jamais remuer. Hey, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, mes petites baltringues, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes sur la Big Antenne, vous êtes sur le 107.0 et vous êtes connectés avec nous-mêmes, ladies and gentlemen, c'est un plaisir certain de vous retrouver ce soir. Bonsoir Drex. Bonsoir. Bonsoir notre ami Drex, est-ce qu'on entend notre ami Drex distinctement? Non. Non, on a déjà un souci technique. Ah, si, bonsoir. Si, là, ça va mieux. Là. Ça va mieux, monsieur Levaux. Et ici présent, on a nos chroniqueurs, effectivement, qui nous font l'insigne honneur de leur présence pour ce Noël. Soir. Voilà, émission spéciale Noël. Émission pleine de bienveillance. Non. Émission pleine de surprises. D'amour. Aussi, pleine d'amour, de compassion, de bonne humeur. De films de Noël sur M6. De joie de vivre et plein d'autres choses. Donc, d'entraide, de partage, de vivre ensemble. Et plein d'autres bonheurs. De Big Père Noël. Et de Big Père Noël. So, ladies and gentlemen, ce soir, on vous dit, c'est une émission un peu spéciale, puisqu'on attend, dans quelques instants, d'un instant à l'autre, on attend effectivement nos amis de La Courgette, un collectif qui nous vient tout droit d'Épinal. Et donc, ils sont en route, hein, vous êtes en direct, vous êtes sur le 107.0, bien sûr, c'est la fréquence qu'il vous faut. Bien évidemment, merci mon cher. Nos amis de La Courgette qu'on a rencontrés il n'y a pas très longtemps et qui sont vraiment, vraiment super cool et qui ont vraiment un très, très beau projet, enfin plusieurs bons projets. On vous maintient en haleine quelques instants, le temps que nos amis courgettistes arrivent. Et donc ce soir, donc c'est une émission un peu particulière où on ne va pas parler de rap, de hip-hop comme on avait pu avoir l'occasion de le faire précédemment. On va plutôt parler de projets associatifs. On va parler, regardez là, c'est formidable. Vous êtes en direct, ça c'est vraiment l'esprit de Noël, c'est vraiment wonderful, c'est l'esprit de Noël, c'est en direct. Et regardez, ils arrivent, ils sont peut-être pas à l'heure, mais en tout cas, ils sont plein de bonne volonté, plein de bonnes intentions. Et les voilà, nos amis Cucurbitacé, bien le bonsoir à tous. C'est donc, C'est chaleureux, c'est bon enfant. Alors on va faire les présentations dans quelques instants, messieurs, dames. En attendant, on va vous balancer, puisque c'est Noël, bien évidemment. Alors on va vous balancer peut-être un petit morceau pour commencer, puisque c'est Noël. Alors moi je vais vous balancer, le temps qu'on fasse les présentations, c'est un morceau de La Caution. Je vais vous en parler juste après de ce petit groupe qu'on affectionne particulièrement. Bande de bâtards de barbares. Big V. Oh pardon, excusez-moi Drex, c'est la trêve de Noël, c'est la trêve hivernale. On reste connecté donc, ladies and gentlemen, vous êtes sur le 107.0, c'est la fréquence. Qu'il te faut, bien évidemment. On continue, on commence la soirée lourde chez lourd avec un morceau de La Caution. Et vous savez quoi, ça reste la formule de Noël, bien évidemment. Et le morceau s'appelle, mon cher Drex, il s'appelle Je te hais. Super. Joyeux Noël. Vous préférez votre sauce Chang très épicée? Et here we go, ladies and gentlemen, vous êtes sur le 107.0, c'est la fréquence qu'il vous faut. Quand tu songes, je sais. tremblement de frères, d'effets de serre, de gouttes de sang versé à terre, de bandes de lait dans de la lune. Demande-moi quand je m'amuse, des stades de langue en ont abusé. Et jusqu'au lendemain, seuls nos bandits ont la bande sur la tue. Je te hais plus que tu ne t'aimes, je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu ne t'aimes, je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu ne t'aimes. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lequel je veux m'étendre. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lequel je veux m'étendre. L'acétone optimise la nicotine dans une pellicule de kérosène. Mon écriture se fait l'honneur d'être une guillotine de cerveau dead. High tech et Nick Fury serait-ce le nec. Plus ultra c'est personnel, serait-ce le vrai. Yo, à coup de père, j'aime, je perds, c'est ton jersey. Ton lui me cherche, je berce, c'est ton birthday. Ton anniversaire, mais personne n'est prévenu. Merde, ce n'est guère une situation incongrue. Je rêve que je persécute le tertiaire, mercenaire. Pote de peine, c'est buté de fèche. Je te hais plus que tu ne t'aimes, je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu ne t'aimes, je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu ne t'aimes, je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lequel je veux m'étendre. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lequel je veux m'étendre. J'étais dans une coccinelle quand un auxiliaire de police est venu polluer mon oxygène. Je décline net mon identité au déquis, qui met qui sait. Qu'on dit janvier pendant son équipe, les éclipses. C'est ma qui, mon équimose en mec qui note une légitime défense. Légitime défense, légitime défense, légitime défense, légitime défense, légitime défense, légitime défense, légitime défense, légitime défense, légitime défense, légitime défense, légitime défense, légitime défense. Quand les grosses veines gonflent avec l'afflux de sang, kérosène mon revolver, braqué sur les zones, érogène mon prébonnaire. Les clients je fais vos fesses, c'est ludique la cellulite, allez jubile teint. Je te hais plus que tu ne t'aimes, je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu ne t'aimes, je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu ne t'aimes, je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lequel je veux m'étendre. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lequel je veux m'étendre. Bonjour tout le monde. Bah donc on trouve le concept intéressant. En fait, on l'a la réponse physique que j'ai donné. Mais là, attends, je suis claqué, hein, franchement. Bonjour, merci de nous inviter. Merci de nous avoir invités en live et en vivant. À la fin, on vous fera le jeu du cadavreski. La big antenne. Trop lourd. C'est la big antenne. La big antenne. All right, ladies and gentlemen, vous êtes de nouveau. Oh, wow. What happened, bro? Vous êtes de nouveau en direct sur le 107.0, c'est bien sûr la fréquence qu'il vous faut. Et nous vous retrouvons, mesdames et messieurs, donc pour notre émission spéciale Noël ou anti-Noël, peut-être aussi, chacun son approche, chacun voit midi à sa porte, bien évidemment. Et donc, c'est avec un plaisir non dissimulé, même si peu forcément exubérant, que nous recevons nos amis de la courgette, donc qui nous viennent d'Épinal. Alors bah, vous excuserez hein, le décalage horaire, bien évidemment, hein, ça se joue à très peu de secondes, mais le fait est en tout cas qu'ils sont arrivés et c'est bien ce qui importe. Et nous sommes ensemble, ladies and gentlemen, jusqu'à 23h. Voilà, merci. Ils sont quand même attentifs. Et ils sont au rapport, ils sont réglo, nos amis Drex et nos amis Levaux. Alors, donc, La Courgette, qui est un collectif qui gère un lieu autogéré sur Épinal, c'est à peu près ça, grosso modo. Et donc, déjà, on est poli et bien élevé, bien évidemment, même si on écoute de la musique de Sauvageon. On dit bonjour. Déjà, sinon, tu te fais. On est d'accord. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Il y en a qui ne l'ont pas dit et du coup ça s'est mal passé. On va commencer les présentations. On va commencer à ma gauche, la gauche là, du coup, de par le fait. Ah non, de toute façon, bien le bonsoir. Attends, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Déjà. Ah, ça commence bien. Ça commence bien. Mimi, et ça sera Mimi. Faut pas donner les blasons ch'tard, t'as vu. Pas normal, hein, t'as vu, c'est tendu en ce moment. C'est tendu, faut faire bellec. Hein. Alors Mimi, bonsoir. Donc, tu nous viens d'où? Tu peux te présenter un peu de façon succincte. C'est compliqué comme question. J'étais dans la région parisienne. Après, j'étais à Toulouse. D'accord. Donc, je préfère dire que je viens de Toulouse. Ouais, bah oui. On va rester sur ça. La rigueur, ça brille plus, ouais. Maintenant, chez Épinal, je fais mes études et voilà. Ça brille un peu moins Épinal. Ouais, voilà. Et du coup, donc. Tu t'es retrouvé catapulté à Épinal pour venir foutre le bordel, c'est un peu ça. C'était pas trop prévu, mais malheureusement maintenant je fous le bordel. Ouais. Et donc t'as pas de parents alors qui te canalisent, on va revenir. Donc foutre le bordel, voilà. C'est vraiment, on aura l'occasion de se présenter plus en détail, tout un chacun. On est là jusqu'à 23h. 23h. Les gars, ils sont doucement. Ça on fait démarre quoi, doucement, ça là, un c'est mois, un diesel. Ça fait quoi, un mois, ça, fait, mois ça fait deux mois. Hein, la dernière émission pour Noël. La dernière émission était assez épique, effectivement. Là, on reprend sur les chapeaux de roue. Ensuite, donc, bonsoir à Mimi. Ensuite, nous avons à mon autre gauche. Bonjour, c'est Juliette. Bonsoir, Juliette. Plutôt Juju. Ou Juju pour les. Trop tard. Trop tard. Les indications. Merde. Alors, Juliette, tu nous viens d'où? Alors, moi, j'ai grandi en Limousin. Dans le Limousin. Et ouais. Et dans une région plutôt verte, comme ici. Et donc, voilà. Et donc, nous, on aime bien la verte. Ouais. Pardon. On aime beaucoup la verdure. Et puis, du coup, c'est pour ça que j'aime bien Épinal. Et voilà, on se retrouve. On aimerait bien faire des trucs chouettes ici. Et c'est ce qu'on fait. C'est formidable et c'est ce que vous allez avoir l'occasion de nous présenter plus en détail puisqu'on est ici jusqu'à 23h. Non, c'est important. Faut pas prendre les gens pour des cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont. Donc c'est important de rapporter, de répéter les choses. Ensuite, face à moi, nous avons notre ami Bastien. Tadam, Bastien, rapproche un peu le micro peut-être. Voilà. Ah, attends, c'est peut-être que j'ai voulu te faire taire, mon cher Bastien, mais on ne te réduira pas au silence aujourd'hui en tout cas. Alors bonsoir Bastien, donc tu nous viens d'où toi, mon cher Bastien? Bonsoir, je m'appelle Bastien. Il s'appelle Bastien. Il s'appelle Bastien, mais faut pas être de son. Ah, avec le micro ça va mieux. Bonsoir. Bonsoir. Alors je m'appelle Bastien et je viens de Troyes. De Troyes, dans exactement, le 10. Exactement, dans l'Aube. Dans le 10, on connaît le département, très joli. Moi j'habitais Marcy-le-Hayer, côté de Romilly. Ah parfait, ouais, très beau village. Ouais, c'est beau, hein. Aubigny-sur-Nerre, tout ça c'est des jolis coins effectivement. Magnifique. C'est formidable. Drex, toi on s'en fout. Hein. Nous on sait pas. Hein. Alors tu nous viens d'où Drex alors? C'est vrai qu'on s'en bat les couilles, vas-y on passe à Jérém. Non, vas-y balance gars. Je viens de Caen. De Caen? Mais où? Il y a de tout autour de la table. Il y a un melting pot géographique. Jérémy, toi, tu nous viens d'où? Un peu partout aussi. Bientôt en Bretagne. Je reviendrai bientôt pour janvier. Ouais, toi, t'es de Haute-Saône, toi, non? Non, j'ai pas l'impression. Non. Moi, je suis Romarie-Montain, monsieur. Le train. Ouais, c'est Haute-Saône, mais faut assumer. Jamais de la vie. Faut assumer. Et je leur passe pas le bonjour. Et ensuite, bonsoir, nous, on se connaît pas, effectivement. Bonsoir. Alors, c'est comment? Moi, je m'appelle Théo. Théo, enchanté, Théo. Alors, donc, Théo, tu nous viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Tu choses du combien? Juste à côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux. D'accord, et donc toi aussi tu te retrouves sur Épinal dans le cadre d'études aussi? Ouais, d'accord, donc vous êtes, ce qui vous rallie c'est que vous êtes tous à l'école, entre guillemets. Oui. Voilà, vous avez vu les gars, ceux qui vont à l'école. Ils sont en majorité là ce soir. Ceux qui vont à l'école et les autres, effectivement. Et mais pas que, effectivement. En tout cas, messieurs, dames, c'est donc un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Donc, on a eu l'occasion, on raconte un peu, on va resituer un peu. On vous a rencontré à l'occasion d'un concert à Épinal. Et donc, vous occupez un lieu. Est-ce qu'on peut parler de ce lieu on va parler, on est un peu là pour ça, hein, de toute façon. Donc, vous occupez, vous représentez déjà le collectif, c'est plus un collectif qu'une association. Ouais. Déjà, votre forme, c'est une. Voilà, vous êtes organisé en collectif, mais vous n'avez rien de déclaré, entre guillemets. Donc, voilà, plus un collectif. Je crois qu'on a même dit association de faits, non ? Mais bon, je ne suis pas sûre de la définition, alors je reste sur collectif. Ouais, bah, les juges, ils appellent ça de malfaiteurs. Mais après, oui, après, bon, c'est des gabégies administratives, tout ça. Donc vous êtes un collectif qui est né donc, autour de ce projet de la courgette, c'est ça ? Voilà, alors donc en quelques mots, allez, bah tiens, Théo, écoute Théo, puisque c'est ton baptême, je ne connais pas. Donc Théo, voilà, tu as 1 minute 30 pour nous convaincre. Alors, Théo, pour nos auditeurs et auditrices, qui sont d'après le compteur déjà 450 millions ce soir. Donc pour nos auditeurs aux quatre coins de France et de Navarre, tu nous présentais un peu donc ce qu'est la courgette, ou peut-être aussi ce que n'est pas la courgette. Ah. Tadam, Théo, donc, c'est question. À toi. Alors, la courgette, qu'est-ce que c'est ? Pas courgette. T'as déjà commencé à présenter ou pas ? Non, vous arrivez, nous c'est un peu feignant donc. Du coup, c'est un lieu autogéré qui est situé à Épinal. Mm-hmm. Tout le monde peut venir, personne règne vraiment. Tu peux pratiquer tout ce que tu veux, t'as autant d'activités, toutes les actions sont permises, tout en faisant attention aux autres, prendre soin de tout ce qu'il faut. Et après, t'as aussi c'est axé sur l'écologie. Donc t'as le compost, t'as la récupération de légumes, t'as tout. Et je sais pas trop comment développer en fait. Non, mais écoute, c'est intéressant, c'est un exercice intéressant. Donc là, on a eu, qu'est-ce que la courgette pour toi, Théo ? Et c'est intéressant. Et justement, c'est ce que je vais vous demander à tous. présentez-moi votre courgette. Voilà, sans vilain jeu de mots. Attention, je veux pas. Je veux surtout pas. Voilà. Bastien, présente-moi ta courgette. Bonsoir. Bonsoir Bastien. Salut Bastien. Alors pour moi la courgette, c'est tout d'abord un lieu de vie. C'est un endroit où on peut être libre, être émancipé de tout loyer à payer, où on peut construire son logement. Et je trouve ça très intéressant comme démarche. Et ouais, il s'y passe beaucoup de choses. On a des toilettes sèches, tout genre de choses. On essaye de construire un mode de vie plus sain et plus durable. On va en parler du toboggan après. Et de la piscine à boules aussi. Et ouais, chacun peut venir développer ses propres projets. C'est ouvert à toutes les initiatives. All right. Donc, ta vision de la courgette, mais attention, hein, comme tout un chacun le sait, hein, sa courgette, chacun sa courgette. Après, ouais. Une courgette pour tous, mais chacun sa courgette aussi. Mm. Juliette, excuse-moi la frime, je fais des rimes. Vas-y, présente-moi ta courgette, Juliette. Alors, ma courgette. Pour moi, c'est un lieu de rencontre qui permet de faire du lien avec les gens. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et quand on y est, on est comme coupé du temps. Parce qu'on prend plus le temps de vivre et de discuter. Puis on s'amuse, genre il y a une balançoire, il y a un dôme. Et puis on fait de la cuisine. On apprend à cuisiner ensemble et à bien manger. Mais c'était bon. Excuse-moi, je suis désolé parce que ça me brûlait la langue depuis tout à l'heure. Je précise, messieurs, dames, des fois que ça soit sorti de son contexte. Ça n'est pas un club échangiste. Non, je veux dire, la courgette n'est pas une salle de shoot, hein, par contre. Oh. Non, mais il y a quelques fragrances comme ça qui... La courgette n'est pas une salle de shoot, hein, je le rappelle. Excuse-moi. Désolé. Non, c'est pas... Non, c'était sorti de son contexte. Excuse-moi. D'accord. Oui, j'avais fini de toute manière. Bon, Wonderful. Alors, Mimi, présente-moi ta courgette. Qu'est-ce que ta courgette ? Présente au monde entier ta courgette. C'est difficile de présenter la courgette après tous les trois. Ils ont bien cerné les choses. Mais la courgette, c'est un lieu de vie. On est quatre habitants à être en permanence là-bas. Du coup, c'est vraiment à proprement dire un lieu de vie. Et on fait des récupères de légumes qu'on apprend à cuisiner, à conserver. On fait, on fabrique des bars pour accueillir des musiciens comme vous il y a 2 semaines maintenant presque. Effectivement. Enfin ouais, pour moi c'est un lieu qui est autant festif que où on peut. Enfin, et c'est aussi un endroit où on va pouvoir réfléchir sur plein de choses, sur des faits de société qui sont un peu plus sérieux et plus chiantes, mais qui sont aussi indispensables. Et du coup, c'est un lieu qui rassemble vraiment beaucoup de choses et qui me donne envie de faire plein de choses. Et j'espère qui donne envie de faire plein de choses à plein de gens. Et on fait aussi des coupes de cheveux. Effectivement. J'ai des cobayes, j'en ai. On peut pas dire que ça soit réussi, mais l'important, c'est un premier test. Ça dépend des horaires d'ouverture. J'étais pas le premier cobaye, j'espère. Ça va. On aurait cru quand même. Mais la barbe était. Ça va. Et je voulais juste rajouter un truc. C'est surtout aussi un lieu où on s'organise et qui nous donne la place de faire des choses qu'on peut pas faire si on avait un petit appart. Genre, je sais pas, fabriquer. C4. T'as dit quoi? Du C4 ou des souches bactériologiques. Par exemple. Ouais, cuisiner de la méthamphétédrine. Non, alors pour résumer, hein, vraiment pour synthétiser un peu vos mots, vos expressions, la courgette, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'expérimentation, un lieu d'alternative. Un lieu de. J'ai l'aval de monsieur le président derrière. Il sent que maintenant qu'on sait comment faire pour trouver des subventions maintenant. C'est important de bien parler. Un lieu de. Vas-y, on balance, on va tartiner un peu. Un lieu de vivre ensemble. Un lieu. Est-ce que c'est un lieu de paix sociale? Faut demander à Boubou. Non, bien évidemment. En tout cas, la courgette, c'est tout ça. Ladies and gentlemen, on est là toute la soirée, donc on va avoir l'occasion. On va pas trop en dire non plus, on va pas spoiler, comme diraient nos amis anglophones. Mais on spoile pas. Comment tu veux, Drex? Est-ce que tu voudrais pas faire une pause pour proposer de grignoter un peu à nos amis? On va faire une petite pause musicale, si ça vous dit. Ladies petite pause just... musicale. Déjà, votre. Donc, on va faire une petite pause musicale, messieurs, dames. Nous, on va juste se permettre de faire un peu de pub et après, on vous laisse la programmation musicale, ok? Juste, on va faire un coup de pub. C'est un poteau qui a sorti un copain à qui on a joué samedi dernier à Belfort dans une petite MJC très sympathique. Jean Jaurès. MCG Jean Jaurès. Vachement bien, original, hein. Comme nom de MJC, vous en conviendrez. c'est rue Stalingrad. il est déjà dedans. Et donc notre ami Do Fireman, un artiste qu'on a rencontré nous avec le fond du crew il y a quelques mois de ça, à l'occasion c'était d'un concert chez Jeanne à Saint-Maurice. Effectivement, ouais. Un artiste chez Jeanne qu'on a rencontré et notre ami il nous vient du Sénégal, il nous vient de plus ou moins autour de Dakar. Il nous vient autour de Dakar et notre ami il a la particularité aussi sur son album et dans ses textes en général, il a la particularité de chanter en langue peul. Il se veut un peu ambassadeur de cette langue, donc il nous livre là sur son album Lucky, je dis bien Drex, c'est toi qui parles peul, hein. Il a deux marques c'est Miax, pardon. Ouais, c'est Miax aussi. Il a deux marques comme les peules, en fait, sur le côté de l'œil. Je crois que c'est généralement sur la droite qu'on. Ouais, c'est à ça qu'on le distingue du groupe, dans le groupe. Ouais, c'est pour ça. Et donc, notre ami Do Fireman, là, qui nous livre un album que vous pouvez vous procurer, il est un peu partout sur les réseaux. Vous pouvez vous le procurer en version physique. Bel album qui a été enregistré à la fois en France, à la fois au Sénégal. D'ailleurs, on fait un petit dédicace pour nos amis. On retrouve notre notre ami Aïssat, Aïssat qui est dessus, qu'on recevra d'ailleurs Aïssat au mois de février, d'ailleurs, avec notre ami Al Blunty. On retrouve aussi bah, le poteau Mike, qui enregistre le poteau de Smoka dessus. Et je crois aussi qu'il y a Nick United, notre DJ du fond du crew, qui avait fait peut-être une prod ou deux dessus. Ouais, non ouais. Ah non, attends, je dis ça. Nick United n'est pas DJ. Non, il est ouais, déjà. Beatmaker. Ouais. Mais non, il est beatmaker. Oui, si, effectivement. Ouais, effectivement. Il a fait, voilà. Donc, on va vous laisser avec ce morceau, avec trois morceaux de notre ami donc Do For A Man. Sur l'album Lekki, le premier morceau, excusez-moi pour ma prononciation du peu, elle est un peu alambiquée. Tigirigiri. suivi par Ilogandal et enfin One Love avec donc, notre ami Aïssaté. Ilogandal, je crois que c'est un gimmick qu'il utilise souvent, Alpha 520. On aura l'occasion de revenir là-dessus pendant l'émission, mais c'est un gimmick en Peul et en Wolof qu'il utilise assez souvent, Alpha 520. Il m'avait expliqué ce que ça voulait dire, Do For A Man, samedi, mais j'étais bourré. Donc, forcément. C'est pour ça comme souvent, d'ailleurs. Comme souvent. Ouais, peut-être que tu consultes. Ouais, je pense. Et que toi, tu sultes. En tout cas. En tout cas, on va vous laisser avec ces trois morceaux, messieurs dames, et on revient pour parler un peu de nos amis Cucurbitacées dans quelques instants. Vous restez connectés puisque vous êtes sur la Big Antenne, c'est le 107.0, c'est le son qu'il vous faut, c'est le son bien sûr des familles, et on est parti avec notre ami Do For A Man. Attention, balance la sauce DJ. Here we go. Album ari ko safulte ruhu jidi vitali ni hakilai jidi berde nyawde de jukuji bondi ni ari ko yirude kite gumde de tiki breki rap ngati rani plas mum rap tufu toron tok kan bi kedal mum leki kinkaw no mi hande wadi bime jonti hanka timi nyamine yimbe jonti mi fene binobe rap tafu yata kolo samsoni ko boyi donko mi yata anodi kame fenande kono mi yata mi holi ma konge bray konga kona yiyata mi fami njida komi wapa istilam mi wada beat back njaba kolam desormi mi rabi tano njidir dani jin mi kopina dubi dubi ada dali wana beat back rabam ko tef tere tefa la jenge tight nanga jel tef tere microphone chungam rabam ko school kandu dako handam mi wana ni school tawa hanki tawa hande no tiram baba kana omi wanta kadum rabam ne ngaba hero jango kandum ko tiki riki rap hello naftor khandum ko tiki riki rap ummi ma gilla mi nana ni jokande ngori ten kha joni ndokko mi on gore ngori dum sabi on bawa po chinte wate khana ne mon to chinte tu tubal mc I'm back jak na chi 10b I'm back jak sa tan bari te ko galandi tous ak yenn boy worono top ba tous ne foti labin bida yomi wakku dem galam mi rabay dem de kode de kanyum na wata rabam jak kam suma pop juma jelo kinaw linga ton soko banye ten se nyaw mission am so ti mani ala tokte ruti tade chakal mere ne wawo jude hakunda me hip hop woni don ko yite jani chakal lady atanta kam kwailade wana beat bad rabam ko tef tere tefa la jeg tight nanga jel tef tere microphone chungam rabam ko school kandu dako handam mi wana ni school tawa hanki tawa hande no tiram baba kana obi wanta kadum rabam ne ngaba hero jangu kandum ko tiki riki rap hello naftor kandum ko tiki riki rap kanu mama say du bilil toga ta wolte mg mbeni ukana meda hulte mere takani ya chocham de wulte tanka mangi tundu rap de wulte Boda kasa fiete, kura le kechi Songal wara taka, mami te din peche Ndaram no fei, mi wana daba wa keche Rabam kukonga, mi chaki rani du meche Oto fai, tame warbe, rapta futoro Kono ndar, tame warbe, rapta futoro Waibe tarate, yo rapta fusaro Via nobe me chaku, mai koto hultaro Tau tan ko rap tan jofo meda ya wadimin Tubo kobe safalbe, jule sabo ndoka temin Real mero manu jiri, shampongi tantamin Virigil min gopo tampo ma min timin Wana beat bite, rabam ko tef tere Tefa la jege tight, nanga jel tef tere Microphone chungam, rabam ko is cool Kandu tuda ko handam mi wona ni school tawa hanki tawa hande no tiram baba kana omi wonta ka dum rabam ne ngaba hedo jango ken dum ko chiki reki rap hedo naftaro ken dum ko chiki reki rap yeah mi rap kina kimi rabat mama du chiri brin rolling the two for a man aka tuba mc aka ambassador aka Babu Sukabe. So Jerry had a Hashim, Doka Dum Hatemum Hatim, Habu Jator Dema, so Jerry Majal, Jilo no Horema, so Ari Majal, Vitu Hambaya no Portudo, Vindu Hambaya no Murtudo, Job Tan Vadan Magelongal, Farba Sali Wolko Wofido, Otto An, Saidi Fampe, Hello Tijani An, Jila de Idol Jarani Ade Hafalas, Sheikh Ante Job, Yoni Reference. No fairy, Saidi and Ude, Danya ko heavy, Bata and Ude, Hande the Navy, Jarani and Ude, Miles so heavy, Nata and Ude, Miles so heavy, Nata and Ude, Fam the Sura, Heaven Lamina, Italora, Diam Lamina, Adagura, Jimbenyamina, Gandal, Kanyum Jogi Aduna, Fam the Sura, Heaven Lamina. Italora, Diam Lamina, Adagura, Jimbenyamina, Gandal, Kanyum Jogi Aduna, Wadi Chilon University Ko Gandal, Jarno Hame Baba, Hobi Dudal, Alaji Mama Saidu, Noki Yeni, Taka Medina Kunas, Hande Lerni, Gandal Tulni Selin Tupa Derke, Wadi Mudate Didi Biro Ndarke, Mamli Mamulai, So Abinike Chakal, Alako Sabidu, So when I Gandal, when I met her, what if I was international? Gandal Alangal, come to say no monjal. So Arabi Sujani, Bale Jok, one Kotaki. Let's go Kira and go for Sehal Islam, Taki. Put on Kodin Tilo, Yima Hari Amarfal. Peace on your heart, why did you go Gandal? Tarbi and Abini, Sheikh Ibrafal. Gandal told me, see, can you etal? Fam the Sura, Heaven Lamina, Italora, Diam Lamina. Adagura, Jimbenyamina, Gandal, Kanyum Jogi Aduna, Fam the Sura, Heaven Lamina, Italora, Diam Lamina, Adagura, Jimbenyamina, Gandal, Kanyum Jogi Aduna, Eto Mehalan Ma, Watu Hen Nante, Fechungunda Ma, Doka Hen Jante, Hande So Ulema, Django Ma Jante, Jagula Wolma, fuck it. Ala Jande, Jange Chuka Kuma, Nimsa Kuma Yauta, Sa Ala Gandal, Kocha Galtan Ketata, Utoro Hakilema, Gurda Manafta, Badaya Hakilema, Jange Yautata, One Jom Hore, Hai Saborna Kilafa, Mawad Anore, Verda Hilafa, Nana Wau Gore, Bilanada Alfa, Bata Artate, Gurda Manafa, Holko Jogi Aduna O, Gandal. Malika ji tujani adama gandal nedo khalfina ma lady ni gandal nedo burna ma windere ne gandal fam do sura heaven lamina italora diam lamina adagura jimbenyamina gandal kanyum jogi aduna fam do sura heaven lamina italora diam lamina adagura jimbenyamina Gandal, can you jogi aduna? Can you wani from the sura? Gandal, can you wani hewa lamina? Gandal, can you yatin the henada? Oh, Gandal, can you jogi aduna? Oh, Gandal, can you wani from the sura? Gandal, can you wani hewa lamina? Gandal, can you yatin the henada? Oh, Gandal, can you jogi aduna? Oh, Gandal. We'll be right back. terrible not a do na o sahata nani nigga a do na wo got to for your job and got the oko woniko got to for on channel got the oko oniko send you the alaya for and jump on diren love hakunde man auto jump on diren hand push on diren jang on diren gare ji don diren jang on diren buñu bokul dine bokku aduna bi buñu bokul tariha bokku suñu nabi delu bokku farata ak so nabi one love nañu bokku ben xol bi tu n'as jamais vu des sang bleu arab metis black au blanc c'est le sang rouge qui coule dans nos veines one love aduna koto ngor den xol bokko gis gis bi don ben xol dem ci benen bis bi jenante jam rek moñu mona ar kalante bes bu nek don suñu ar joxante cieur même buñu bokul xet aduna bi yeb ño bokku ben terre amul bu ñool wala wex yeb xonk même buñu bokku luñu don na la fonk nañu yenante jam rek moy ar bi xol ko woni tubak balé jo wala ar bi jol fo pullo tokon hay jula tutsi auto soso hay jola got for your red got the ojungo jola got for hokka got the ojungo jala respect hakunde man sentine wella love wanna hakunde man iyo afela don gumi den hawaye atam kanyum jibini en enen fon jogi den goji jambode jam garinji don diren kanyum woni jam enen fon koyi mbedi don gumi den hawaye atam kanyum jibini en enen fon jogi den goji jambode jam garinji don diren kanyum woni jam Yo, vous êtes en direct, vous êtes sur le 107.0, vous êtes sur le 107.0, c'est la fréquence qu'il vous faut bien évidemment, puisque ladies and gentlemen, vous êtes sur... La bigantaine. Oh, c'est tellement lourd, Drex. Merci, avec ladies and gentlemen, un jingle spécial Noël ou anti-Noël de notre ami Xedri le magicien, qui nous a fait un beau petit jingle à l'occasion de cette spéciale Noël. Effectivement, c'est très agréable. Donc, on vient de vous laisser dans les oreilles, ladies and gentlemen, damas y caballeros. On vient de vous laisser avec trois titres de notre ami Du Foreman, qu'on aura l'occasion donc d'inviter à l'occasion d'une émission au mois de février. Voilà, il y a toujours un petit merci, Jérémy. Merci, Jérémy. De rien. Je suis là pour ça. C'était lourd. donc, avec le morceau Ntirigiri, suivi de Yilogandal, enfin One Love, feat notre ami Aïssat, qu'on recevra, elle, au mois de février. Et non, c'est d'où il vient au mois de janvier. Pour nous parler un peu de ce projet. Bel album, en tout cas, on espère, ladies and gentlemen, que vous avez apprécié, vous régaler de ces compositions. En vente libre. À 20 euros. Pour Noël, si vous n'avez pas acheté. Au prix de 20 euros. Nickel. En vente libre, messieurs, dames, au prix de 20 euros, n'hésitez pas L'acheter, en tout cas, ça fait un joli de la Fnac, non? À la Fnac, non, franchement, je ne sais combien de points de vente. Et d'ailleurs, on va même avoir, on se fait un peu de pub. On va même, nous, on a eu l'occasion de le rencontrer, le mec là, et on a été. Il y a un mec, comment il s'appelait celui qui faisait un réalisateur de vidéos qui Marley. Parle de hip-hop, de vidéos hip-hop qui fait l'apologie entre guillemets du hip-hop en langue peul, effectivement. Et donc c'est un projet super sympa à suivre, effectivement. On va essayer de contacter aussi ce mec-là à l'occasion de notre émission. Et donc un ambassadeur de la langue peul, voilà, qui fait des émissions sur YouTube en langue peul, voilà, autour du hip-hop. C'est un projet qu'on ne peut que soutenir, bien évidemment, ici à la Big Antenne. Oh yeah, ah, il est réac hein, ce soir, il est réactif. Alors, ladies and gentlemen, on était donc avec nos amis courgettistes, nos amis de la courgette, donc en train de parler donc de leur projet qui a émergé à Épinal et qu'on apprécie particulièrement et qu'on soutient à 800%, comme la bonne machina, comprenne qui pourra. Et qu'on soutient à 800%. Et c'est pour ça qu'on vous invite ce soir pour parler de votre projet. Alors, donc on vous a dit, pour les auditeurs qui viennent de nous dropper, de nous prendre en cours de chemin, la courgette, donc, c'est un lieu autogéré, un espace de vie, un espace d'alternative, de création culturelle, artistique, associative, militante, engagée, mon cul sur... Pardon. donc un espace de... Excusez-moi, je me suis emporté. Ça pour la demande de subvention. Bah tu vois, désolé Marcus, là, ça va encore être dans l'os pour cette année. donc voilà, un espace autogéré, ce que d'aucuns pourraient appeler un squat. Mais voilà, on rappelle, c'est pas une salle de shoot pour polytoxicomanes. C'est pas... là, c'est un squat autogéré. Voilà. Alors vous allez nous parler un peu des origines de ce projet. Bah, je m'adresse plus particulièrement à vous trois, Mimi, Bastien et Juliette, puisque bah, Théo, toi, t'étais sur le banc de touche. T'étais en prison à l'époque là, hein, c'est ça. Hors antenne, tu nous racontais ça, donc c'était... voilà. Alors... Voilà, comment est-ce que vous, tout un chacun, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce projet-là qui, ma foi, est assez novateur sur la cité spinalienne? C'est là qu'il fallait demander la sauce Chang très épicée, Drex. Alors Bastien, vas-y, on t'écoute. Alors, tout a commencé très simplement. On s'est retrouvé avec... Tourne ton micro, Bastien, sois pas timide. Allô. Check. Okay. Raconte la vraie histoire, Bastien. Non, mais c'est comme un biopic, hein, donc tu sais, il faut un peu embellir les choses quand même. Alors vas-y, excuse-moi. Alors, on s'est retrouvé avec quelques camarades étudiants et on s'est dit que ce monde tournait par an. Et on a réfléchi et au bout de quelques mois, on s'est dit, bah, en fait, un squat, c'est un peu une des solutions à beaucoup de problèmes. Il raconte pas la vraie histoire. Après, non, bah attends, bah, c'est comme, chacun sa courgette, chacun son histoire. Après, à la rigueur, tu vas nous parler, toi, de ton histoire à toi. Pour moi, ça sonne un peu comme une évidence, en fait. Une évidence, c'est beau, c'est beau. Et voilà. Peut-être qu'Emilie peut nous en dire un peu plus. Emilie. Moi, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que on est, en fait, de base, on est un collectif du coup qui s'appelle Azimut. D'accord. Et je l'ignorais. Et en fait, un jour, Bastien, il m'a envoyé un mail sur. Il m'a envoyé un mail et il m'a dit putain, mais regarde ça, c'est vraiment la merde. Faudrait qu'on fasse quelque chose, quoi. Et moi, après ça, j'ai regardé. Oui, non, c'est, excuse-moi. Oui, c'est pas, j'entends, excuse-moi, c'est pas des soucis techniques indépendants de ma volonté. Pardon. Voilà. Et moi, après, j'avais regardé le documentaire Après-demain, et je me suis dit, putain, il faut vraiment qu'on fasse un truc, quoi. Et je me suis rappelé du mail de Bastien, et je sais pas pourquoi, j'avais compris que ce mail, il l'avait envoyé à tout le monde dans l'école, et je me suis dit, bah, je vais le refaire tourner en l'améliorant un peu et rajoutant le documentaire, quoi. Et du coup, j'ai fait ça. Et là, Bastien m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as envoyé ce mail à tout le monde dans l'école et tout? Fallait pas faire ça. Et en fait, j'ai remarqué qu'il avait juste envoyé le mail à moi-même. Et de là, on a commencé à se regrouper, à faire le comité où on s'est retrouvé une petite dizaine de personnes avec des étudiants d'Épinal. D'accord. Et alors, le collectif Azimut, hein, c'est bien ça? Ouais. Donc, ça a émergé comment, ça, déjà, à la base? Ça a émergé comme ça, quoi. Et donc, c'était quoi la vocation, un peu, de ce projet-là? Enfin, vous, est-ce que vous aviez, entre guillemets, une idée concrète quand, quand vous avez fondé ce collectif? Est-ce que vous saviez que ça, ça allait vous amener vers le squat, enfin, vers la création d'un espace autogéré? Ou c'était vraiment une... Voilà, vous tâtonnez et vous cherchiez un moyen de créer une alternative, entre guillemets? Moi, je crois que Bastien, il savait, mais nous, on ne savait pas. Ah, donc c'est toi le nœud du problème, Bastien. Vous êtes le maillon faible de l'expropriation, Bastien. Salut, salut. Les services de l'ordre vont venir vous intercepter. Ah, super. Ils sont déjà venus plusieurs fois, mais... Ah, mais on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment, de vos rapports cordiaux avec nos amis de la Maréchaussée, bien évidemment. Donc, alors, à la base, voilà, c'est né donc, de l'idée de ce collectif donc, Tout Azimut. Alors Tout Azimut, Azimut, pardon, excuse-moi, j'extrapole un peu, j'extrapole. Alors Azimut, pourquoi ce nom, du coup, il y avait une... Bah justement, parce que ça est dans tous les sens. Et genre, on s'est regroupés à cause d'un ras-le-bol collectif et d'une blague, en fait, au final. Et c'est ça qui a fait émerger tout ça. Et on se regroupait et on était très, très excités et on s'allait ouais, dans tous les sens, on n'arrivait pas à canaliser nos envies, nos énergies. Et puis dès le début, on a commencé à s'organiser, réfléchir. Et puis après, moi je suis partie et je suis revenue après. Et quand je suis revenue, ils avaient formé la courgette. Ta dame. Courgette. Ta dame. Et alors... c'est vrai qu'en revenant d'Erasmus, pour moi aussi, c'est venu comme une évidence. On avait besoin d'un lieu où se regrouper parce que à chaque fois on n'avait pas d'endroit qui nous rassemblait. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de trouver un lieu de convergence des luttes. Est-ce que c'est une expression qu'on est habilité à employer, convergence des luttes, ici? Alors moi juste, j'ai une petite question. Donc en fait vous veniez tous plus ou moins du même entre guillemets environnement. Vous êtes tous rencontrés entre guillemets sur les bancs de l'école. Vous avez fréquenté la même école. Mm-hmm. On peut dire c'est quoi? On peut faire de la promotion pour cette école? Parce que du coup, je pense qu'ils doivent être ravis quand même, cette école, de former, de braves et jeunes citoyens pleins de vie et vigoureux. Qui bonjour, nous font... monsieur Bléron, j'espère que tu nous écoutes. Allez, ça commence à balancer un peu. Monsieur Bléron, bien le bonsoir. Alors, c'est quoi, c'est le directeur? C'est ça, monsieur Bléron? Eh ben écoute, on enverra une lettre d'anthrax à monsieur Bléron. Des recommandations. On fait à la bigantaine, on est habilité à envoyer de l'anthrax par voie recommandée. Vous en faites pas pour ça. Donc c'est une école de quoi alors quand même on balance. Hein, vous saurez tout, absolument tout ce soir, messieurs, dames. Alors c'est une école de quoi? Vous étudiez quoi On le dit ou pas? Bah oui. Allez, non, on étudie de l'ingénierie bois. De l'ingénierie bois. C'est tout ce qui est la transformation du bois. Et non la sylviculture. Donc c'est l'aspect, transformer le bois et axer dans l'industrie quand même. La sylviculture, c'est la culture de Sylvie. c'est quand elles ont des lacunes, du coup, les Sylvies. Mais enfin, donc, du coup, c'est... C'est rien à voir du coup, assez. Rien à voir du tout. Pardon, rien à voir du tout avec ça, Drex. Donc de l'ingénierie bois. Sylvia, ça veut dire forêt. Ok. Je te le dis. Il y en a un qui va dormir moins con ce soir, je crois. Ah bah là, il y a pas de souci. Vous étudiez le bois et donc vous êtes rencontrés, vous êtes organisés autour de cette rencontre dans cette école. Vous venez tous d'horizons différents. Mmh. Ouais, c'est un peu ça quand même. Là, on a, comme on disait, un melting pot géographique. On n'est pas là pour faire de la radio-voyeurisme, j'allais dire... non, mais attends, la fin de la phrase, quand même. Il fallait y poncer. Tu vois, le bois, poncer pour... Pardon, Big Fish, je suis désolé. Je savais que t'étais touchable là-dessus. C'est les stockades. C'est mon talon d'Achille, ça, Jérôme. Mon beau bon. Perd notre latin avec vos conneries. Je sais plus, m'aidez pas les gars, surtout. Oui, la sylviculture. Ouais. L'ingénieur du latin, Sylvia. Voilà, du latin, Sylvia. Voilà, on leur trouve notre latin, effectivement. Donc non, je disais non, effectivement, vous venez d'horizons différents, peut-être, on peut présupposer de milieux sociaux différents. Après, voilà, on n'est pas là, comme je disais, pour faire du voyeurisme à ce sujet-là, on n'est pas là. Tes parents gagnent combien par mois, Théo? Un million oui, ouais. De francs CFA. Et en courgette, ça fait combien à peu près? Oh, ça fait zéro euro. Ça fait beaucoup de courgettes. Un sacré gratin. En tout cas, le collectif de la courgette, le noyau dur vient vraiment de votre école alors en fait? Pas vraiment, non. Ouais, non, mais Bastien essaye de se dire que non, mais... On peut pas balancer. Toi-même, t'es pas vraiment convaincu, quoi. Non, mais disons que on s'est réunis... en fait, à la base, c'est pas vraiment l'école qui compte, c'est plutôt les personnes. Oui, on était tous un peu isolés et un peu perdus dans notre coin, dans nos apparts tout seuls. et en se retrouvant, en fait... séquence émotionnelle. Oh, c'est beau. Mais ben, d'habitude, je l'ai trouvé. Une question, petit violon là. Vous avez déjà vécu en communauté à la base, ou ça vous juste devenu inné en mode on se fait chier tout seul chez soi et on a envie de créer quelque chose, une communauté? Mais avec Bastien qui se faisait chier. Mais non, mais des fois pour des gens c'est difficile de vivre en communauté aussi, de s'adapter à ça, même si la structure nous plaît, même si l'engagement nous plaît, quoi. C'est pas facile, ouais. Non. Mais en soi, l'idée du squat, elle est venue bien après. Et on s'est formé avec une brochure qu'on a trouvée sur Internet qui s'appelle Squat de A à Z. Ah ouais, ok. Et il se trouve que c'était notre première expérience. Et c'est très intéressant, en fait. Ouais. Parce qu'il suffit juste de lire quelques pages et après, on peut être indépendant. C'est comme ça qu'on a fait pour organiser un festival, hein, tu me dis. Ouais, comment organiser un festival tuto en quelques pages. Et du coup, Big V, tu vas nous passer un peu de son choisi par les courgettistes, les courgetteux. Effectivement, ladies and gentlemen, on va faire... parce que bon, ça donne soif de blablater comme ça. C'est bien les alternatives, tout ça. Mais moi, je vous propose une alternative musicale, si vous êtes d'accord, messieurs, dames. Je suis d'accord. Ok, tu es d'accord? Alors, messieurs, dames, avant tout ça, je vais demander à un assistant technique, à nos hommes de l'ombre. On a notre ami Kendamax qui est là en homme de l'ombre. Non, il est parti. Bah, il va être là parce que les mecs, ils sont pas là juste pour... Il est parti s'occuper du jardin. Ouais, ouais. Il est en train de cultiver. Là. voilà, tiens. Donc, nos amis, les hommes de l'ombre, qui sont là et qui nous préparent une sélection musicale. Et juste avant, messieurs, dames, puisque on est là quand même dans un esprit de joie, de Noël. Communion, de Noël, de religion. Bien sûr. Alors, on va être bienveillant ce soir, messieurs, dames, et on va vous proposer de gagner. Je pense que monsieur le président, à ma droite, à ma gauche plutôt, sera d'accord. On est apte. Et c'est Noël, voilà. On va avoir des largesses ce soir, messieurs, dames, on va avoir des largesses. Nos amis du collectif en face vont avoir des largesses aussi. Hein, on dirait pas apparemment. Mais si, on va vous offrir une petite pochette de Noël. Des si vous répondez à la question, précédente, bien évidemment. Messieurs, dames, donc, bien évidemment, un seul numéro que tout un chacun connaît en ce bas monde, c'est le 03 29 62 40 40. 03 29 62 40 40. 03 29 62 40 40. Wow. 03 29 62 40 40. Nul 3 22 65 44 44. Ok, also, messieurs, dames, donc vous répondez à la question et vous pourrez repartir avec une pochette surprise, comme à la fête foraine. Hein. Vous avez un poisson, une carabine à plomb. On vous propose. Mais oui, ou alors de tes proches peuvent participer aussi s'ils le souhaitent. Il n'y a qu'un seul numéro, hein, 03 29 62 40 40. Et vous pouvez tenter de repartir avec. Allez, attention, à ma gauche, on va annoncer, c'est le président en personne qui va annoncer le lot à gagner. Tandis que vous, on peut mettre pour nos auditeurs une petite poignée de stickers. Allez, on peut avoir des largesses, de toute façon vous en faites 50 000. 5 000. Et on vous balance un CD de Drex. Allez, un CD de Drex. Quoi? Ouais, bah ouais, désolé. Un CD de Drex. Et oh là là là là là là, attention, messieurs, dames, attention, c'est vraiment Noël. Un CD de Drex, un CD du fond du crew, réédition spéciale, messieurs dames. Allez, ça c'est Noël, franchement ça fait zizir. Le poids en houmous. Votre poids en houmous, 450 mètres de courgettes aussi. Oh là là là là, attention, eh, c'est Noël, il y a des largesses. Il y a des largesses, messieurs dames. Attention, j'annonce pour le tout, hein, un seul numéro 03 29 62 40 40, un seul numéro à retenir. Et vous tentez, vous pourrez tenter de repartir avec un CD de Drex, un CD du Front du Crou, des stickers, un assortiment de stickers de la MC Connection, des stickers de la courgette, et on annonce en plus, voilà c'est vrai, franchement, voilà c'est vrai, on annonce en plus un t-shirt à votre taille, un t-shirt du Front du Crou. Drex, t'as quelque chose à dire? Ouais, tu me dois 8 balles. Quoi. Ah ouais, gars, j'avais zappé. En tout cas, voilà, messieurs, dames, vous répondez à la question. Quel cucurbitacées viennent représenter nos amis du collectif présent ce soir? Quel cucurbitacées viennent représenter nos amis du collectif présent ce soir? Je ne vais pas m'embêter à vous le faire en allemand, vous utiliserez Reverso si besoin. Répondez à la question, quel cucurbitacées nos amis viennent du collectif présent ce soir viennent-ils représenter? Un seul numéro, 03 29 62 40 40. Et la pochette surprise de Noël, elle est pour toi mon cousin, elle est pour toi ma cousine. Et ça c'est les largesses de la Big Antenne. Et donc on va vous faire une petite sélection musicale. Mimi, t'avais prévu de nous passer donc un titre des... Fugees. Des Fugees, avec le titre... Fugila. Avec le titre Fugila, c'est ça? Ouais, parce que sinon je retenais pas. Ok, alright. Les Fugees qui sont un groupe, c'est un vieux groupe ça? C'est un groupe américain, c'est tout ce que j'ai pu voir sur Wikipédia. Ah, c'est pas des sources comme ça, non. Tu peux dire que t'as une encyclopédie ici. Mais c'était dans les CD de mes parents, donc ça date au moins des années 42. Instant rétro, donc. Alright. Et suivi par un titre de notre amie Juliette que tu nous as sélectionné. Fais voir, attention, c'est ça. Beat Poète Trio, c'est bien ça? C'est Beat Poète Trio. D'accord. Je parle très peu, très peu gaélique, alors tu m'excuseras. Alors, tu peux nous en parler un peu de ton morceau là? Donc, c'est un trio breton. Ouais. Ils font du beatbox et du rap. D'accord. Et en fait, c'est sur des rythmiques de danse traditionnelle. All right. Ouais. All right. De la beatbox. Ouais. Donc, et ils sont vraiment ouf, surtout en concert. Eh ben écoute, on va écouter ça. On va écouter ça sans plus attendre. Donc on commence avec un morceau des Fugees, c'est bien ça? Fugila. Des Fugees avec le morceau Fugila. Et c'est parti, attention, vous restez connectés. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous appeler 03 29 62 40 40. Alright, on a des auditeurs dévoués. Attention, on reste sur la Big Antenne. Vous restez connectés sur le 107.0 car c'est la fréquence qu'il vous faut. Oh yeah, here we go. We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell them, come on, be easy now, squeeze this armor. Test why cleft, see that flesh gets scorned. So bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, they that hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chicken from my farm. Yeah, yeah. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Sicilian. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tunkus in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Hey, attention, ladies and gentlemen, il semblerait que l'on ait un invité de dernière minute. On a un auditeur qui nous a appelé. Est-ce que tu nous entends, mon cher? Je vous entends. Bien le bonsoir. Oh, bien le bonsoir. Alors, bonsoir. C'est comment ton petit nom, mon mignon? Mon petit prénom, c'est Mounet. Ah, c'est Mounet. Ben non, je croyais que c'était. Ah, mais j'ai de la merde dans les oreilles. Moi, je croyais que c'était Gilles, enfin un autre copain. Ah, ouais, mais t'as le même timbre de voix. Alors, Mounet, bien le bonsoir. Ouais, ça va? Bah écoute, ma foi, très bien depuis la dernière fois. Hein, bah oui, tout à fait, hein, mais écoutez, ça, c'est voyeuriste. Parce que je t'entends en même temps au téléphone et en même temps la radio en disant autre chose. Alors je me dis qu'il y a un petit décalage ou une petite faute de goût, je ne sais pas où. Une faute de goût, peut-être, ouais, c'est probablement dû au goût, sûrement, hein, c'est sûrement un manque de goût. Au goût de l'émission en tant que telle, oui. Oui, bah ça c'est évident, c'est évident. Eh ben, en tout cas, alors, donc, mon cher Mounet, on avait posé une question, je suis sûr que tu as une réponse. Il est vrai. Mangeant énormément de légumes en saison estivale, oui. Je pense que la réponse serait la courgette. Excellent. Oh là là. Il y en a qui suivent. C'est formidable. Mais alors là, bravo, mon cher Mounet, vous avez été... Bah, écoutez, j'ai cherché. J'ai cherché le dictionnaire, hein, j'ai sorti l'encyclopédie. J'entends bien. Alors, mon cher Mounet... Parlons sérieusement. Alors, bah, j'ai quelque chose à gagner, visiblement. Hein. Alors, tu as effectivement. Bon, du coup, je l'ai déjà. Alors, allez vous faire foutre, j'en veux un autre. Ah, d'accord. Bon, alors, on va voir ce qu'on peut faire. Eh ben, écoute, on peut te proposer éventuellement un CD. Qu'est-ce qu'il peut proposer Pas un CD de Beatnik, hein. Non, non. Bah... allez, comme ça, c'est dit. Il y en a qu'on peut offrir cet hiver. En direct. Le, hey, mon cher Mounet, tu viens de prendre, de gagner en avant-première et en exclusivité intergalactique et internationale. En avant-première, le CD de Drex, il n'est pas sorti encore, et t'as déjà une réservation sur le prochain CD de Drex donc en le solo. Prochain CD, donc j'ai le 1 et le 2, quoi. Exactement, exactement. C'est parfait, c'est ça, parfait. Si c'est pas merveilleux, ça. Bah, je comptais cotiser sur Ululu, hein, et du coup, il n'y aura pas besoin. Quoi. Ah bah non, tu peux envoyer ça aux enfants de Daesh. Envoie ça aux enfants de Daesh ou à un centre pour polytoxicomanes ou un truc. Joyeux Noël. Voilà, je donnerai ça au Secours 4. Ouais, voilà. Les salauds. Ça, c'est esprit de Noël. Il faut que je fasse attention, pardon. Oui, attention, parce que bon, d'habitude, nous, on est bien pensants. Mais en tout cas, bah, tu connais nos amis de la courgette, en tout cas. J'en ai entendu vaguement parler, effectivement, oui. T'en as entendu vaguement parler, et donc toi, c'est un projet que tu soutiens, alors, nos amis de la courgette, c'est un projet... Je suis tout à fait d'accord, effectivement, je soutiens pleinement leur action et leur revendication par rapport au lieu autonome. Ah, c'est formidable, c'est formidable. Et donc, c'est un projet qu'on souhaite voir perdurer, en tout cas. Ah, je m'entends aussi en même temps, là, en direct, ça fait bizarre. Ah, tu vois, mais ça, c'est à l'image de ce monde. On s'écoute parler maintenant, à l'heure actuelle. Vrai, c'est à l'image de ce monde, là, en fait. J'en doute pas pour toi. Salaud. Attends, je t'entends très mal, je passe sous un tunnel. Moi, je vais pas vous déranger plus longtemps. Hein. Non, bah non, parce que de toute façon, on allait faire une pause, tu sais, on est payé à l'heure. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Eh ben, en tout cas, mon cher Mounet, on te fait de la pub, d'ailleurs, on va en parler justement. On organise, nos amis de la courgette, ils organisent un concert samedi soir, hein, n'est-ce pas? Oui. On va en parler juste après, mais en tout cas, je suis sûr qu'on pourra compter sur votre présence. Sur notre présence. Oh, c'est vrai, formidable, c'est formidable. Eh ben, en tout cas, on vous envoie ça par voie Chronopost. Soyez entre vous demain entre 8h et 18h30. Le livreur, devrait passer pour vous apporter ça, votre cadeau. Non, bah je sais très bien. C'est ça l'éducation populaire. Allez, en tout cas, chaleureusement votre. Merci, hein, bien sûr. Eh ben, merci à toi, mon cher Mounet. Merci à toi. Et je pense, allez, Mounet, tu peux le dire quand même qu'on peut retrouver ta douce voix enchantresse sur les ondes de Game of Thrones, sur la fréquence. Ouais. Hein, bah, écoutez, jeudi, demain. Eh ben, c'est demain. Les grands esprits se rencontrent. Eh ben voilà, c'est formidable. Voilà. C'est formidable. Donc, voilà, on raconte aussi des conneries. On passe pas la même musique. Ouais, c'est bon, enfin. Punk hardcore. Ouais, mais ça reste de la musique médiocre quand même. Comment? Ça reste de la musique médiocre quand même. Ça reste de la musique. Ça reste le point commun. Ça reste le point commun. Un poil plus brillante. Oui, effectivement. Donc, d'autant plus médiocre. Donc, n'hésitez pas à écouter, y a pas de problème. En podcast. Eh ben voilà. Donc, on va suivre, on continue à suivre et on soutient les initiatives locales, quelles qu'elles soient. Ça marche. Ça, c'est important. DIY, create, anarchie. Exactement. Bisous, Mounet. Bisous. On t'aime. Allez, bisous. On te fait des gros bisous et on t'envoie la pochette demain. Ouais, en tout cas. Avec le CD dedans. Tu voulais les CD, merde. Je veux le CD dedans. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour ça. J'ai un trivier chez moi, donc j'ai besoin de CD. Ah, bah oui, je comprends. Non, bah, on peut s'arranger. Et en tout cas, merci à toi, Mounet. Et on te dit à très bientôt. Et stay the same, stay rules, stay strong. Ouais, voilà. Excellent. Allez, à très vite. Merci de soutenir. Ciao, Mounet. Oh là là là là là là là là là là. Que d'émotions. Gentlemen, que d'émotions. C'est ça l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël, c'est ça l'esprit de la big antenne. Et voilà, on a été interrompu fort à propos par notre ami Mounet. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre sa voix délicate et enchanteresse. On retourne en musique peut-être. Il nous restait un petit peu de votre morceau des Fugees, suivi juste après donc par le trio Poète Machin Mon Queue, le Beat Poète Trio. Donc on reste connecté sur la big antenne, c'est la fréquence qu'il vous faut, bien évidemment. Messieurs, dames, on reste connecté et on continue. Take no shorts like poo-poos. See Gucci's by Gucci. Chinese for Gucci's and Lucci. Find me in my Mitsubishi, eating sushi, bumping Fuji's. Hey, hey, hey, try to take the crew and we don't play, play. Say, say, say, like Paul McCartney, not hardly on. Look it up, I can see right through your bluff. Niggas huffing, they puff, but they can't handle us. We bust, we fortified, I could never hide. Secretly hot, ride with cold cheese, died. I'm twisted, that listed by some other Negroes. Don't be rude, my polos on the first episode. I shouldn't diss refugees and the whole sound set booty and half a respect jersey, cause I'm super fly when I'm super high on the Fuji line. Sit 90 degrees underneath palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Wukawakon, I'm a true champion like Farrakhan, reaches Delhi, Quran. It's a phenomenon, lyric fast like Ramadan. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. Urado dole fo yeye tuba kod Jamdo fo ite muda hormo safal Jamba rebe men taji bogon gul Jaltini futa toro ila wol bongon gul Dufi muda opaywi gandan gal Badi futa toro la muda rorkal Hadema la mat jogo da nundal Hadema la mat kewa gandal Hadema la mat jogo da pinal Hadema la mat ganda portal Futa toro ko leidi waliabe Futa toro ko leidi jambarebe Futa toro de foti siftorede Ko wali futa ko potaro yejitede Futa toro ko leidi jambarebe Futa toro de foti siftorede Ko wali futa ko potaro yejitede Mami rabe menko salino biyawete Cherme Suleiman Bal Ardino Waldende Alpha Umar Abdul Khadir Khan Bayla Perejo Eliman Boubacar Khan E wat bebe mi halani inde mumen Be wor be roof be Ije meje mumen Bele bi be futa neke bakoye mumen Batuji hore fonde Lerni hande men Abdul Khadir Khan Wada Almami Dubi Chapan Tati Kanyum Olami 1776-1806 Hakunde chilon kobilo dugay habbe Gun la mu foti tim tore de hande Jangine e tude men belene ande Futa toro meda holde jambaribi Benja tira be suspe yo alle yo be Fouta toro golei di waliabe Fouta toro golei di jamborebe Fouta toro le fonte siuturede Ko ali gudo go gondaro yejitede Fouta toro golei di waliabe Fouta toro golei di jamborebe Fouta toro le fonte siuturede Ko ali gudo go gondaro yejitede Silamu dine Iti kefe ragal Fawi dine Labini bandi ragal Adi gandal, pretty bandi yagal Adi balal, min bi say di tal Mami rabe men meda japte yaware Wante chalo den, wante lebi ware Ronde de hado, fu keno ware Bibi auto jap, so futane ware Rawandu so ngata tangurata Malachi mumi ya beta utilata Enen goni tani rabe samba dogata Sen baila ni japal, futa ya hata Only take happy boget at the men. Not take a lazy man, fruity send the end. Lenyam lenyam magu beti war the end. Potential won not tole mami rabbe men. Futa toro golei di waliabe. Futa toro golei di jambarebe. Futa toro de fonte siuturede. Ko ali gudo go gondaro yejitede. Futa toro golei di waliabe. Futa toro golei di jambarebe. Abdul Bokar Khan, Farmbal, Mamoudou Ali Racine, Demba Tall, Alhaji Omar, Mama Saïd Bilal, Samba Sire Lamine, Abdourahman Sall, Cherno Hamidou, Saïd Ousmane Tall, Alpha Amar Sidiero Bousseau, Eliman Aj, Abdou Karim Diawando, Yo Allah Yurmo Yafo Be Warbe. Jarna de jagu bito he kaw samba soya jani adama si double cerveau Se mit à sonner, moi jeune des ouvres et j'étais là à traîner, sans famille, sans potes et sans projet. C'est là qu'un recruteur de l'armée m'a trouvé, il m'a parlé en bobiné, parlant d'honneur de la nation retrouvée, parlant de soleil, d'aventure enflammée. Sur son papier, là j'ai signé. J'avais imaginé jouer l'aventurier, point levé, je défendrai. Donné pour un lointain pays, là j'ai embarqué. Avec les copains de la troupe, on rigolait. Mais les gradés, des brutes bornées. Là-bas j'ai tué, tué et pleuré. Puis sans état d'âme, des villages et brûlé. Au bout de quelques mois, là j'étais un assassin assermenté. Et j'avais imaginé jouer l'aventurier. Point levé, je défendrai. Et grâce à elle, tout l'empire s'étendait, s'attaquant à des pays étrangers, en répétant qu'elle incarnait le progrès. J'ai vu des mecs cinglés, que l'humanité avait quittés, que la souffrance aiguillonnait, et dont l'état-major se servait, ouais. Et j'avais imaginé jouer l'aventurier, point le bain, je défendrai la liberté sans même regarder la couleur des armées dans lesquelles je m'engageais ensanglanté. Un soir j'ai voulu déserter, tracer ma route et me tailler, rejoindre le camp des colonisés et de mes frères de classe opprimée. Pas de guerre entre les races, non jamais. Je dirais même si on me fait fusiller, je suis rentré dans la clandestinité où j'ai lutté et j'ai aimé. Bonsoir les baltringues, vous êtes toujours sur le 107.0, c'est la fréquence qu'il vous faut. Alright, vous êtes toujours connectés sur le 107.0, sur Radio Gamozo 107.0. Vous pouvez nous vous connecter en ligne aussi, vous nous suivez sur www.radiogamozo.eu et vous pouvez nous suivre aussi en direct un peu sur les réseaux sociaux. Cliquez bande d'escalope, comme tout un chacun le dirait. Alors, petite rectification, nota bene, ladies and gentlemen, on a eu une petite erreur de programmation musicale indépendante de notre volonté et totalement fortuite. On vous avait donc laissé, faut rendre à César ce qui est à César, avec un morceau donc des Fugees, ma chère Amy, c'est ça ? Avec, Fugees, ouais. Voilà, c'était Fugees, suivi là. Par notre ami Foreman qui a fait une apparition subreptive, mais ma foi, qui s'est retrouvé catapulté dans la playlist. Il est partout. Notre ami Dou Foreman avec le titre Futaturo featuring Sile. De toute façon, on en reparlera par la suite. Et on avait eu un attentat sonore indépendantiste à base de bonnet rouge avec de la musique celtique bretonnante avec le beat poète trio. C'est bien ça. Mm-hmm. Et Kenavo, impeccable. Donc c'était avec le titre à l'armée, c'est ça là. Mm-hmm. Mm-hmm. Excellent. Donc en tout cas assez sympa. On écoutera plus en détail. Vous pouvez le suivre. Donc c'est un groupe qui nous vient de Bretagne, ça. On est d'accord. Donc c'est original et on conseille à tout un chacun d'écouter donc le. Bonsoir aux amis bretons d'ailleurs. Effectivement, le veau qui va bientôt être ambassadeur de la Big Antenne et de la connexion en Bretagne. On aura des partenariats. Des partenariats. Tu nous enverras des galettes, on t'enverra du Munster. Des galettes saucisses. Mais tu parles Queen Amman. Et du Queen Amman aussi. Et non, je ne parle pas breton. Ah mais il faudra. Oui, t'inquiète, ça va venir au fil du temps. Au fil du temps. Yémat, c'est la seule chose dont tu dois savoir. On reconnaît les berottes. Mais je suis assez d'accord, ceci dit. Retournons non pas à nos moutons, mais à nos graines. À nos mauvaises graines de courgettes. Faudra que tu fasses un jingle quand il y a des enchaînements comme ça, Drex. Tu vois que les gens soient. Tu vois que ça claque un peu. Ouais, exactement. En principe, on a un petit singe batteur qui fait ça, qui fait des poupons. Mais la SP, elle a piqué. Bah, il est où, Marc Souet? Drake, non, mais on l'aime bien, gros. Drake, tu vas prendre 3 minutes sur le banc. C'était mal ça, oh le con. Oh my gosh, oh my gosh, what a shame, Drex, what a shame. On fait un petit peu de pub, puisqu'on aime bien, vous allez, on est tous des pubs à notre niveau, de toute façon, on est réduit à ça, à l'image qu'on renvoie aujourd'hui, c'est bien vrai. Regardez, regardez, moi je fais ci, moi je fais ça, on est tous des pubs. Et donc on va vous faire de la pub. On organise avec nos amis, Cucurbitacés, un concert qui se tient la semaine prochaine, enfin qui se tient cette semaine, c'est ça? Il y en a qui sont étonnés? Oui, oui. Ça t'étonne, ma chère courgette, non? Non, donc cette semaine, avec donc au programme, vous retrouvez notre ami Aïssat, que vous avez retrouvé là quand on vous a balancé quelques sons en featuring avec Dofarman. Suivi, on comptera aussi sur la présence de notre ami Al Blunty, qui sera aussi présent pour ambiancer la partie avec son. Ouais, comment tu définirais ça, toi, Drex, musicalement, Al? Des bons sons sympas, une belle voix agréable et une guitare. Oh, c'est beau, Drex. Tu sais que tu pourrais être conseiller Fnac ou un truc comme ça. Achetez cet album. Achetez cet album. Il n'a pas fait d'album en vrai, mais venez voir. Mais venez voir le choix de Drex. Jérém, comment tu définirais Aïssaté, toi? Aïssaté? Ouais. Musicalement. Hein. Musique. Oui, non, mais je sais très bien. Hein. Non, déjà, déjà humainement, c'est une super personne, super souriante tout le temps. Et sa musique est enchanteresse, sa voix est enchanteresse, et le charme qu'elle dégage sur scène, même si elle est toute seule avec une guitare aussi. Nous rappelle bien fait la liaison entre France et Sénégal. qui vient de Mauritanie, je crois. Qui vient de Mauritanie. De Mauritanie de Remiremont, je crois quand même. Hein. De Romaritanie. Ouais, plutôt, oui. Ouais. Et ouais, on comptera sur la présence de notre ami Smoka, notre dinosaure préféré. Ah, il a insisté pour qu'on le qualifie de dinosaure du hip-hop français, ouais. du hip-hop vosgien. Ah, moi, je reprends ces termes. Si nous écoutes, d'ailleurs, Mike, on te passe un gros big-up et désolé pour la merde chez toi samedi. ouais, notre ami Smoka, vas-y, comment tu le définirais, mon cher Drake, Smoka? Non, en vrai... Putain, pourquoi c'est à moi que tu demandes ça, gros? Bah, il y a que deux chroniqueurs, et puis bah du coup... Désolé pour le canap' samedi, c'est tout. Bah, Smoka, c'est un tonton le du... Kraken. C'est un tonton du purin vosgien, Romarimonta, on va dire. Un guide spirituel et spiritueux. Spiritueux à ses heures perdues, effectivement, aussi. En tout cas, on lui fait des bisous, et il sera présent. Et bah, désolé pour le public et les auditeurs, il y aura aussi, désolé, le fond du crew, vos humbles serviteurs qui sont présents. Ouais, dégueulasse. À chier, mauvais, piètre, médiocre. À sortir et bannir de vos oreilles. Donc c'est un concert de soutien afin de déjà d'une part soutenir le projet donc de la courgette. On va en reparler par la suite, hein, de toute façon, de pourquoi vous avez besoin de fonds. Ce n'est pas uniquement pour acheter des armes à feu et de la péruvienne comme on disait. Non, on plaisante bien évidemment, amis censeurs. N'agitez pas les ciseaux d'Anastasie. Avec modération. N'agitez pas les ciseaux d'Anastasie. Ceci n'est que de l'humour. Qui servira effectivement d'une part à soutenir le collectif de la courgette pour le développement de ses actions futures et pour son expansion et sa pérennité, on va dire, et qui servira d'autre part à injecter des fonds afin de financer un gros événement hip-hop qui viendra l'année prochaine. Appelle le président qui lâche son téléphone et qui va venir nous parler un peu de son projet. Monsieur le porte-parole. Hein. Donc un festival hip-hop qui se tiendra l'année prochaine à Saint-Amé, Michael Cole. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Alors c'est un peu un projet, ça aura lieu, on a une date déjà lâchée aux auditeurs. Ouais, le 5 septembre. 5 septembre à Saint-Amé. Ouais, de midi à 1h du matin. Et pour ceux qui finissent en garde à vue ou en dégrisoire, ça sera plus tard, bien évidemment. 2 heures, on ferme tout. 2 heures, c'est l'avenue des camions de CRS. 3 heures, c'est ça finit en mode Rodney King. Et Non, la mairie de Saint-Amy ne veut surtout pas d'émeutes. Non. Et ce n'est pas le but, on fait de la musique civilisée, bien évidemment. Donc c'est un festival qui se veut, on peut le dire, mon cher Mickaël, qui se veut intergénérationnel, oui, ouvert, oui, à tout public. Et culturel. Culturel, ouais. Ouvert à tout public, dans le sens où on essaye de fédérer des... d'un public familial. Ouais, il y aura animation seniors, pour les plus petits, voilà, il y aura des concours de foot, concours de basket, des ateliers manuels, du graphe, de la si mais attention, on n'est pas animateur pour rien hein. Quand on parle d'éducation populaire, on sait de quoi on cause. Et donc bah voilà, dites-vous mes chers, l'occasion de voir ça sera gratuit. Ouais, 8 groupes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, on avait dit hein. Oui, c'est bien ça. Donc n'hésitez 12 pas. 12 ans et demi, c'est bon. Franchement messieurs dames, vous pouvez même déposer vos gamins, vous les laissez là, ça vous coûte rien et ils ont du bon son et on s'occupe d'eux. C'est mieux qu'à la messe. On s'occupe d'eux correctement pour cette journée-là. Donc un événement avec des gros sons. On peut déjà d'ores et déjà en lâcher, on peut spoiler, on peut lâcher un ou deux noms peut-être, Michel. Ouais, alors bah, les trois premiers qui sont sortis pour l'instant, c'est alors, notre ami Dou, voilà, bah écoute, ça fait plaisir, ça fait plaisir de l'avoir parmi nous sur scène. Ce soir, Infréquençable, donc qui jouera en premier des trois groupes du soir. Sur la main stage 3. Voilà. Merci à eux. À côté de l'altar et du temple. Donc, il y en a sur la scène. Donc, avec notre ami Smokion, Farid et j'en passe. Et on en passe, qu'on embrasse tous chaleureusement d'ailleurs. Qu'on embrasse tous chaleureusement, que vous avez eu l'occasion d'avoir sur les ondes à l'émission dernière. Et ensuite. Et enfin, Infréquençable, Doux et. Et le fond du crew. Ah, encore, putain, ils nous font chier ça. Ah, cette merde. Ouais, on les voit partout. Merde, ouais, plutôt... bah, ils m'ont saoulé pour jouer. Donc, qui sont-elles, toutes ces flûtes? Qui sont-elles, mon cher Michel? La question est légitime. Et attention, alors là, vous dites. On spoile pas, mon cher Mick. Non, mais non. Vous dites, ouais, bon, d'accord, c'est bon, les gars, okay, on les a déjà vus 50 fois. Vous vous pignolez, les gars. No way. Attention, on va vous annoncer en tout cas du très lourd. On va pas vous dire le nom tout de suite, mais quoi qu'il en soit, dans notre chapeau musical. On peut dire d'où ils viennent. D'où ils viennent. Vas-y, ils nous viennent d'où? 9-3. Du côté de Montreuil. 9-3, ma gueule. 9-3, ma gueule. Dis pas, ma gueule. Fais pas crari, ma gueule. En tout cas, pour ceux qui auront capté, du très lourd, les gars. On va mettre Saint-Amé on fire directement le 5 septembre jusqu'à 1h du matin. Bull, complet jusqu'à 1h du matin après la guerre chez Drex. Super. Ça annonce. Cliquez bande d'escalope pour l'after chez Drex. Cliquez fort. On fera un vote, hein, tout on fera un vote à main levée. Ouais. Donc, en tout cas, ouais, voilà, un événement culturel qui fera la part belle aux partenariats locaux où on aura l'occasion de trouver des artisans locaux avec des bons produits du terroir. Il y aura des shops, il y aura des stands. C'est prévu, puisque on peut en parler parce que maintenant c'est l'actualité. On peut parler aussi de nos amis qui ont la main verte et il y aura peut-être en exclusivité, on peut le dire. Oui. On peut le dire, puisque c'est légal, on aura même un stand de CBD. Voilà. Yes. Attention, ça va être hip-hop. Bah ouais, mon gars, bah faut pas rigoler c'est avec ghetto. Ça. C'est ghetto, c'est pas ghetto. Hein. T'inquiète, frère, Pontaro. En tout cas, voilà, il y aura plein de surprises, des artisans locaux, de la musique d'ici et d'ailleurs, des artistes, des ateliers pour les gamins. Et donc, c'est un événement qui se veut intergénérationnel, ouvert à tous, qui fait la part belle aux rencontres, aux échanges. Bien sûr, il y aura à manger, à boire, il y aura tout ce qu'il faut. Des tartes flambées, fieu. Il y aura de la tarte flambée, de la pierre aussi, fieu. Des chepets de seule. Des chepets de seule, bien sûr, des taux. Avec que des bons produits, en somme. Que des bons produits, bien sûr. En tout cas, voilà. Donc, c'est pour ça que donc, c'est à cette occasion qu'on organise un concert de soutien samedi soir à la Courgette à Épinal. Pour l'adresse, on va pas trop la balancer ça sur les ondes. Allez simplement regarder, vous tapez sur votre ami Google qui vous veut du bien, surtout à vos informations personnelles. vous tapez ça sur Google, vous tapez la Courgette Épinal et bah, on vous laisse la surprise, messieurs, dames. Et donc voilà, afin de financer à la fois le collectif de la Chore Courgette dans leur projet et de financer, d'injecter des fonds dans l'association MC Connexion, MC Record, pour financer donc le festival du Hip Hop Fest 2020, premier festival qui se tiendra en terre, donc en terre. Je sais pas si on peut dire le premier festival hip hop. C'est peut-être un peu présomptueux. Dans les Vosges. Mais en tout cas, ça sera le plus lourd. C'est ça. Plus de flammes. C'est là que ça fera le plus fort. Frappe qu'un coup m'aurait. En tout cas, voilà. Un jeu glaire. En tout cas, messieurs, dames, voilà. Ça sera l'occasion, donc retrouvez-nous donc avec le fond du crew Do Foreman, Aïssat et Smoka samedi soir. Donc c'est un concert prix libre. On va avoir l'occasion un peu justement de reparler de cette notion de prix libre avec nos amis Cucurbitacées. On va parler de tout ça, on va parler de projets associatifs et autres. Donc s'il vous plaît, je vous demanderai, messieurs dames, maintenant, parlons sérieusement. Ça, c'est ce qu'on appelle un placement de jingle, Drex, ouais, ouais. N'est-ce pas? Ah oui. Le truc, c'est qu'on a, on avait préparé des jeux, mais... Oh, ça sera pour après. Attends, c'est pas encore la récréation, Drex. Mais attends. Si. Oh, attends, parlons sérieusement, parlons sérieusement. Quelques instants, quelques instants. Alors, amis courgettistes, ça vous dérange pas qu'on vous appelle comme ça? Courgettienne. Courgettienne, d'accord. Mais parce Courgettien. Que... Ou courgettien, courgettiste, ça fait les deux. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais, pas bête. Ah ouais, bah, mais c'est réglo. Sinon, on s'appelle les courgettes. Ouais, ou les courgettes, ouais. C'est que je suis assez... Genre, la courgette, c'est le lieu, et les courgettes, c'est les personnes. Ouais, ouais, ouais. Demande ouais. À Bastien. Ça vous va, bon, les courgettes. Enfin, donc, on va parler un peu donc, de vos locaux. On rappelle qu'il est un lieu autogéré et alternatif. Alors, qu'est-ce qui a motivé, donc on en parlait un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a donc, voilà, c'était motivé votre volonté de s'investir au sein d'un collectif? C'était, voilà, la recherche d'alternatives, la recherche d'un lieu de vie qui permette l'émergence de projets. Alors justement, donc, dans les grandes lignes, et ça c'est une réponse qui ne sera pas collégiale, une réponse qui est propre à tout un chacun, Qu'est-ce que dans un monde utopiste, qu'est-ce que vous souhaiteriez voilà, voir développer au sein de la courgette? Alors, allez, je commence avec toi, mon cher Théo. Qu'est-ce que toi, la courgette, en termes de projet, qu'est-ce que tu souhaites pour la courgette, et qu'est-ce qui a motivé personnellement pour toi, parce que là, donc, c'est des réponses, comme je disais, qui sont propres à chacun. Qu'est-ce qui a motivé le fait que toi, tu t'investisses et tu t'inscrives dans ce collectif et que tu mettes les pieds dans ce monde-là, en fait, mon cher Théo? La non-cotisation, déjà. Les repas gratuits. Les repas gratuits. Le logement aussi. non, parlons pas. Non, bah après, ouais, il y a toutes les activités que Porto est là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, on va commencer à faire des pantalons, on avait regardé. Ça, franchement, ça peut être cool. En velours, des pantalons en velours. Tout ce qu'on peut trouver au final. Ouais, bah après, c'est surtout les gens qu'on peut rencontrer, les activités qui vont se passer. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? De la balançoire. Très bien d'ailleurs. Ouais, tu l'as essayé? Ouais, j'ai essayé. On n'a pas eu l'occasion. J'ai essayé le canapé aussi, moins confortable. Ah, il y en a plusieurs. Je sais pas si d'autres. Au fond, j'aurais dû dormir sur la balançoire. Ouais. Du coup, ouais. On a surtout essayé le manège carré en fait chez vous. Un manège carré, c'est une buvette. Oui. C'est assez jargonneux comme expression, mais ouais. Ouais. Un manège carré, c'est une buvette. On a bien tapé dans le fût de Golay. Sans envie d'un jeu de mots. Ouais, donc. Donc ouais, pour toi la courgette, ouais, voilà, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, ouais. D'expérimentation et on apprend à tout le monde ce qu'ils savent faire, quoi. D'accord. Alors toi personnellement, là encore une fois, est-ce que t'étais déjà un peu familiarisé avec ce monde alternatif, avec ce milieu des squats, des lieux de vie autogérés, des choses comme ça, avec des fonctionnements voilà, assez particuliers qui diffèrent largement d'un fonctionnement associatif lambda, entre guillemets, ouais. Déclaré, légal. Est-ce que tu étais familiarisé avec ce milieu-là avant de graviter autour du jeu de mots de ta courgette? Ouais, non, je ne connaissais pas du tout, moi. Non, et donc, ça a été une plongée dans l'inconnu, alors. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ravi, bien sûr. C'est un peu comme plonger dans le Fight Club, alors, en fait. C'est quoi la première règle de la courgette? On ne parle pas de la courgette. Okay. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait ce soir. Pourtant. Deuxième règle, on ne parle pas de la courgette. Si une courgette est blessée, saigne ou ne peut plus se relever, on arrête le combat. Bref, comprendront les cinéphiles. Bastien, alors toi, pareil, même question, je réitère ma question. Est-ce que t'avais des accointances avec ce milieu-là, avec le milieu alternatif, le milieu des squats, les milieux autogérés, les ZAD, enfin, tous ces... voilà, c'est ce monde alternatif, entre guillemets, ouais. Alors, très peu. Il se trouve que je suis passé par Bure pour visiter un peu la maison de la résistance et tout ce qui se passe là-bas. Mm-hmm. C'est un lieu aussi assez intéressant. Chercher le ballon des Vosges et je suis tombé à Bure. Ah, d'accord, ok. Ok, là qui sont bons en géographie. J'ai fait un petit tour au KTS aussi à Fribourg. Ah, le fameux squat du KTS, oui, ouais, bien sûr. Énorme ouais. Squat aussi qui est très très vieux. C'est pas le squat qui est en périphérie de Fribourg, enfin qui fait un peu squat où ils ont des roulottes, il y a une scène et tout. Je sais pas exactement, ça c'est le quartier, l'ancien quartier autogéré. Ah, je sais plus comment il s'appelle ce squat, mais on avait eu l'occasion d'aller dans un squat là-bas à Fribourg, où bah, effectivement, c'est pas trop le propos de l'émission, mais où nos Allemands sont quand même bien plus en avance que nous en termes de politique de squat en tout cas. Exactement. Ça, on est d'accord. Et voilà, cette découverte de l'environnement, de ce milieu alternatif, tout ça, ça a été donc un peu une révélation pour toi aussi en quelque sorte. Bah exactement, c'est-à-dire que, par exemple, moi je suis étudiant boursier, et quand on est étudiant, bah, on n'a pas trop d'argent, et payer un loyer, c'est un peu la galère. Mm-hmm. Et en fait, pour n'importe qui, payer un loyer, c'est un peu la galère. On est d'accord. Pour ouais. Les gens qui sont salariés toute leur vie, on rêve pas trop d'indépendance, quoi. C'est beau ce que tu dis. C'est justement l'occasion de repartir à zéro, et de changer les règles. Oh, c'est beau. Moi, je sais plus, la première fois je sais plus, c'était avec qui on parlait de déconstruction. De déconstruire bah, les idées préconçues qu'on se fait sur le logement, de déconstruire les idées préconçues. Et c'est pris sur la gauche. À gauche, dans la radio. Voulez-vous votre sauce tionde très épicée? Yes. Transformation de la part de Drex. Le 3 points. Il est 3 passé. Points. Il est passé le 3 points. Très excellent. Largement. Tire de loin de la part de Drex. T'es beau. Tire de loin. je sais même plus ce qu'on disait du coup avec ces conneries. L'atelier menuiserie. La déconstruction. Donc toi c'est un lieu comme ça, la courgette. Tu pourrais dire que c'est un lieu où justement tu expérimentes cette déconstruction, ce rapport au logement, ce rapport aux échanges, au rapport marchand. C'est un lieu où tu fais vivre ces idées de déconstruction, où tu les expérimentes et tu les mets en application au quotidien. Exactement, oui. Au quotidien, on choisit un peu nos règles et nos modes de vie. Et du coup, on expérimente les joies du collectif et de la vie en société. Et ouais, par rapport au rapport marchand, tout ça, bah, classiquement, comme dans la plupart des lieux autogérés, on fonctionne avec du prix libre, très, très souvent. Donc ça permet aux gens qui n'ont pas les moyens de soit mettre un tout petit peu, soit ne pas mettre du tout. Et les gens qui ont plus les moyens et qui ont envie de participer au projet, bah, ils mettent davantage et ça permet de... Contrecarrer. Formidable. Justement, on va y revenir par la suite sur cette notion de prix libre et de gratuité. On continue un peu notre tour de table. C'est pas pour te couper la parole, hein, mon cher Bastien. Et c'est au contraire très intéressant. Juste un peu, voilà, pour toi, Juliette, c'est pareil. Tu étais étrangère à ce milieu alternatif. Ouais, totalement. Enfin, ça faisait plusieurs années que les aides m'intéressaient, mais j'y suis jamais allée, ni à Notre-Dame-des-Landes, ni à Sivens, aucune. Ça fait plusieurs années que les questions d'égalité me poussent à faire des trucs et je trouve ça chouette de le mettre en pratique, d'essayer de le mettre en pratique parce que c'est ouais, de l'expérimentation quotidienne. Enfin, moi j'y vis pas, mais même si j'y vis pas, c'est quand même de l'expérimentation. Et ouais, voilà. All right. Et pour toi, Amy, pareil, la même question. Pour Mimi. Moi, mais je crois qu'en fait, on a tous découvert un peu ce milieu on avait tous une envie d'être dans l'alternative, je pense, parce qu'on n'est pas arrivé là par hasard, mais on a découvert et on a mis en pratique vraiment des choses et on a appris vraiment beaucoup de choses, rien que sur la communication entre nous. C'est un truc de malade, tu vois, quand tu compares la conversation que tu peux avoir avec tes amis, à te couper, à te sentir pas trop écouté à des moments. Enfin, moi, c'était un peu ça avant. Ben là, chacun a son temps de parole, chacun. Rien que ça, c'est un travail de malade qui est vraiment cool à expérimenter. Et, Et ouais, enfin, le monde du collectif, une fois que t'es à la courgette, t'as plus... Tu comprends ce que c'est, quoi. Enfin, tu n'as plus trop le choix d'expérimenter et de toujours essayer d'améliorer la chose au maximum. Et ce n'est pas forcément évident, mais c'est hyper intéressant, quoi. Non, c'est pas ce que non, attention, on écoute. Hein, c'est parce Big V, du coup, la courgette en trois mots, ce serait quoi pour nos invités, tu penses? Pour nous Non, en trois mots pour eux, justement. Vraiment pour cibler la chose de ce que peut être la courgette pour ceux qui nous écoutent. En trois mots. En concis. Trois mots, histoire de... Claire, concis. Hop, 20 secondes. Trois mots. Trois mots. Un... Deux. C'est pas mal. En trois mots, une courgette. Oh là là là là. Ah, on vous prend au dépourvu. Hein. Ouh là là là là, ça fait trop. Ça, c'est une vie de 24. Bah. Lien. T'en fais un. Ouais, ouais. Houmous. Ouais, c'est vrai. Et ouais, Big up à Yalai. Froid. Mais pas non, dans le cœur. Il fait bon, il fait alors, bon. Il fait bon vivre. Alors justement, bah, c'est marrant, hein, sans transition. Mais justement, au quotidien, donc tu parlais d'organisation, d'autogestion, enfin de se positionner au sein d'un collectif. Toi, tu parlais, mon cher Bastien, de zone de gratuité, de prix libre. Concrètement parlant, comment, par quel biais, par quels outils, par quelle méthode de communication, par quel biais de communication, déjà, vous arrivez, ne serait-ce qu'au sein de votre collectif, déjà, à vous organiser, lorsqu'il s'agit de faire émerger un projet, s'agit de proposer, de suggérer une idée, une amélioration, Bastien. Alors on fait des assemblées générales peut-être toutes les 3 semaines et chacun peut parler de ses projets et c'est très intéressant et nos méthodes de discussion sont intéressantes aussi, enfin, on les a un peu calquées sur d'autres lieux autogérés et surtout sur les Allemands. D'accord. Des très bonnes méthodes de... Alors tu peux nous les présenter ces méthodes? Oui. Vaguement, enfin, si... Pour la prise de décision typiquement la méthode par consensus elle est plutôt intéressante. Actuellement, on fonctionne plutôt par le vote dans la société en général. Mm-hmm. Donc c'est soit oui, soit non. Et le vote blanc n'est pas pris en compte, l'abstention non plus. Et nous, en fait, on a le choix entre 6 possibilités. Et ça permet vraiment de pousser la discussion au maximum. Et tant que tout le monde n'est pas d'accord, tant qu'on n'a pas un consensus, on ne prend pas de décision. Donc ouais. C'est statu quo, s'il y a un désaccord... Si même un... vraiment concrètement, vous êtes, pour se donner un ordre d'idée, vous êtes combien dans vos réunions quand vous faites comme ça? Parce que c'est une méthode qui est vachement intéressante. Effectivement, ça concerne, quand vous appliquez ces méthodes-là, ça concerne combien de personnes lors de vos AG, tu dirais? Ça dépend. Je dirais entre 20 et 40. D'accord, donc c'est déjà, effectivement. Ouais. Et autre question, moi, du coup, vous vous limitez toujours à 6 alternatives, enfin 6 propositions, ou alors ça dépend vraiment du sujet qu'on met sur la table, de ce qu'on va aborder? Ah non, les propositions, c'est par exemple, soit vous êtes d'accord avec le projet, donc vous répondez oui, soit vous émettez une petite réserve, c'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement d'accord, il y a encore des choses qui vous tracassent. Et dans ce cas-là, vous mettez une petite réserve. Soit une grande réserve, c'est-à-dire il y a vraiment plus de problèmes et vous souhaitez en parler et discuter davantage. Ou il y a l'abstention, il y a ne pas prendre part, il y a le refus et il y a aussi le veto. Donc le veto, c'est radical, on abandonne complètement la proposition. Ah, mais c'est intéressant. Ça, enfin, ça doit faire un peu dans... Il y a moyen de faire... on doit assister, du coup, sociologiquement, ça doit être très intéressant à observer, du coup. Et par exemple, en Allemagne, j'ai fait une réunion où on était 200 personnes. Mm-hmm. Voilà, et on a fait 7 prises de décision à 200 personnes, et sur tout un week-end. Et c'était plutôt exceptionnel. Comme... Alors, ça, on peut peut-être en parler, ça concernait vraiment concrètement des... sur un truc comme ça, où je t'emmène peut-être sur un sujet que tu veux pas trop aborder. Voilà, ça concernait vraiment concrètement quel style de décision à prendre. Alors, il y a un mouvement en Allemagne qui s'appelle Ende Gelände, qui agit chaque année. Qu'est-ce que c'est? Qui agit chaque année pour bloquer des mines de charbon à ciel ouvert en Allemagne. Donc ils sont assez friands, nos amis teutons. Exactement. C'est les lieux qui émettent le plus de CO2 en Europe. Ouais, donc il y a une très grosse mine à côté de Cologne, par exemple. la mine de Ambar. Et, ils ont de l'or là-bas. Que... C'est de l'or Ambar. Moi, je vais sortir deux minutes. Pardon. Et il se trouve qu'il y a un collectif qui organise chaque année, voire même deux fois par an, un blocage de cette mine. Donc, par exemple, la dernière fois, nous étions 6500 personnes à participer à l'événement. Et l'événement est organisé par cinq meetings qui se déroulent toutes les quatre semaines à peu près. Et donc, durant ces meetings, on est entre 100 et 300 personnes. Oui, quand même. Ouais. Et donc, on décide de l'endroit... Du moyen d'action. Exactement. D'accord. Et donc, du coup, donc, à l'issue de, donc, d'événements comme ça, est-ce que. C'est vachement intéressant. Est-ce que tu trouves qu'on. Le risque n'est pas de retomber dans des travers politico-politiques. Est-ce que, justement, à l'occasion de ça, est-ce que toi, par exemple, en tant que militant, on peut le dire, qui a eu l'occasion de, voir de participer à des assemblées de la sorte, est-ce que tu peux dire qu'on change complètement d'approche de la politique, ou est-ce que tu peux, au contraire, observer des personnalités leaders qui émergent, encore une fois, dans ce type d'assemblée dans les cas que j'ai pu observer, c'est-à-dire très peu de cas, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience non plus. Mais ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui aient plus d'importance que d'autres. Mm-hmm. Mais généralement, ces personnes-là sont assez évincées rapidement de l'organisation ou de postes à responsabilité. Mais ouais, il y a toujours un noyau dur, disons, des personnes qui sont souvent dans l'organisation et qui passent énormément de temps à préparer des projets. Mais je pense que c'est plutôt normal, en fait, qu'il y ait des personnes qui soient plus investies que d'autres. Oui, ce qui est évident. Mais non, ouais, je voulais rajouter un truc. C'est justement, au sein du collectif, on essaie de faire attention à ça. Au niveau des formes de prise de pouvoir, du fait de la connaissance. Si quelqu'un a plus de connaissances que les autres, du coup, il va être plus mis en avant, et on essaie de décortiquer ces mécanismes. D'accord. Donc, de déconstruire ces mécanismes. De déconstruire. Pour les déconstruire, il faut les décortiquer, ouais. Quoi. C'est pertinent. Parce que c'est tellement intégré que voilà. Donc on travaille là-dessus. Mais on est quand même au courant de beaucoup de choses. Par exemple, de l'influence que peuvent avoir certaines personnes, et des personnes qui peuvent être comme des chefs. Et en fait, on sait reconnaître ces positions et on sait comment gérer ces problèmes. Il y a une mine d'informations qui s'appelle infokiosque.net. Et donc, c'est un site où est répertorié très grande majorité des brochures militantes de différents lieux autogérés, différents collectifs. Et c'est des brochures très spécialisées et ça permet d'en apprendre beaucoup sur tout un tas de sujets. Oui, exactement. C'est des brochures qu'on invite à faire circuler, bien évidemment, à faire circuler, à partager au maximum, à l'occasion, partout où on peut diffuser effectivement des graines de sédition dans les esprits un peu trop conventionnels, et comme on disait, déconstruire nos carcans idéologiques, mon cher Drix. Conventionnel, c'était pas obligé. Tu voulais rajouter quelque chose, Emine? Tu faisais signe? Non. Non, autant pour moi. Non. Ça tu peux rajouter, effectivement. Ça tu peux en rajouter. Je mélange. À l'occasion de ces assemblées, de vos assemblées au sein de votre collectif, donc vous pratiquez donc cette méthode du consensus qui est très intéressante, effectivement. Alors concrètement pour vous, dans le cas qui nous intéresse, pour vous, ça concernerait un exemple concret d'action, enfin un exemple concret de vote au sein de votre collectif qui pourrait être soumis à consensus des ours. Connard. Généralement, c'est sur les prises de décision par rapport au statut du lieu. En fait, c'était ça. Il y a aussi tout ce qui est concert aussi pour les organisations. Est-ce que, par exemple, au niveau de la vie quotidienne, il peut y avoir des gros blocages? Alors là, la vie quotidienne, c'est incroyable. Justement, on disait qu'on ne faisait pas de radio voyeuriste, on va en parler un peu, parce que là, vous saurez en exclusivité. C'est ça qu'on veut savoir, c'est ça. C'est ça que les gens veulent. Le clash. Ils veulent des trucs putassiers, il faut laisser des trucs putaclic. Cliquez, bande d'escalopes, cliquez, putain de bordel de merde. Cliquez, nom de Dieu. Alors, justement, donc, la vie quotidienne, on a eu un peu l'occasion, nous d'aller voir comment ça se tramait chez vous. Il y a du café le matin. Moi, ça me ferait penser encore. Rendez-vous en terrain connu ? Non. Ils sont odieux. Ils sont odieux. Stephen Berg. Antoine de Maximi, sortons de ce corps. Non, mais en tout cas, c'est formidable parce que, vous avez, comme vous disiez, c'est trivial, chers auditeurs, chères auditrices, mais vous avez des toilettes sèches, vous avez un atelier à bois, vous avez... Mais on n'avait pas vu, mais derrière le bar, il y a un atelier pour faire du bois. Oui, un atelier à bois. Du coup, vous faites quoi? Enfin, vous faites des pièces ou des... Oui, aussi, un atelier à bois. Vous faites des... Ah, mais on coupe juste du bois comme ça pour le plaisir. Il le brûle. Ah ouais, c'est cool. Non, on fait juste le brûler, quoi. On coupe, on ponce, on lime et on brûle. Mais attention, c'est bien fait. Il y a de l'ingénierie. Pardon, Bastien, vas-y. Par exemple, on a construit une mezzanine en bois. De 30 mètres carrés. Tadam, et attention, exonération totale, net d'impôt, ça, ma gueule. Exactement. C'est le truc qui est au-dessus de. Don interne. Dans la salle principale. C'est le truc qui est au-dessus. Exactement. Ah, il n'y a pas de garde-corps encore, si. Pas encore. J'ai remarqué, hein. Bientôt. Le lieu, je crois qu'il n'est pas encore accessible au public. Encore en construction. À certains publics. Au-dessus de 90 kilos, c'est mort. Big V, tu pourras pas y aller. C'est un lieu qu'on invite tout un chacun à découvrir et vous mettez en place des lieux qui permettent la pratique d'expérimentation. Vous avez un point info kiosque aussi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de flyers, de trucs comme ça, de brochures. Une bibliothèque aussi. On vous ramènera des Pierre Belmar. Une friperie. Ah oui, mais ça c'est parfait. Venez poser et prendre vos vêtements. Est-ce que vous avez des chemises hawaïennes? Oui. C'est pas vrai. Exactement. Non. Nous avons deux chemises hawaïennes. Tu me gardes les deux, je les rachète. Je rachète et je fais un don pour un orphelinat. On a une robe aussi si tu veux. Gratuit, non, ça va. Je vous ramène des trucs de mauvais goût, mais s'il y a des chemises hawaïennes, franchement, on vous encourage à y aller. Un atelier coiffure. Un atelier vélo, ça c'est formidable c'est formidable. Au niveau de l'autosuffisance alimentaire, c'est pareil. On parlait vraiment de recherche d'alternatives. Vous, comment vous fonctionnez chez vous? Allez-y, il y a pas. Voilà, vous êtes comme nous. Vous êtes frigane. On fait beaucoup de récupération, trop. Pourquoi pour nous quatre. Faut ramener hein, quand c'est comme ça. Une cagette quand tu viens nous voir, hein, on aime bien, nous. Hein. Ça nous arrive de faire une disco soupe, c'est-à-dire qu'on a fait une soupe ouverte à tout le monde et n'importe qui peut venir et manger gratuitement de la soupe faite à partir de récup. Super initiative, ça. Et on a un autre projet aussi qui va sortir d'ici peu. C'est un food notre bombe. Donc on en a parlé avec une amie, on en a parlé effectivement, et on vous soutient comme la Machina, hein. Comme la Machina, et on sera là aussi pour mettre la main à la pâte, bien évidemment. Alors vas-y, tu peux nous présenter un peu pour nos auditeurs qui sont pas anglophones et un peu le principe du food notre bombe. Alors tu veux y aller, vas-y. Pour pas rentrer dans les détails. Les bruits parasites. Concrètement. Lourd. Concrètement, on va faire à manger dans la rue et le but c'est quand même de se rassembler autour d'un repas, de pas faire à manger dans des zones, dans des quartiers, dans des beaux quartiers, mais plutôt dans des zones où il y a des gens qui en ont vraiment besoin et qui ont vraiment besoin de liens sociaux. Et ça, c'est vraiment le plus important. Exactement. Le food not bomb, finalement, c'est un peu... c'est une soupe... pour résumer, ça serait plus ou moins... C'est une soupe populaire en version vegan. C'est un truc qui est né aux States dans les années 60, 70. Dans la scène punk crust, punk américaine, dans les années 60, 70. Et c'est qui est ouvert à tous. Où le but, c'est de pouvoir proposer une soupe populaire végétalienne, pourquoi ? Puisque indépendamment des croyances religieuses, ça n'exclut pas ceux qui pourraient manger halal, qui pourraient manger kasher, ceux qui pourraient manger végétarien, ceux qui auraient des allergies alimentaires, et donc qui se veut universel, et voilà, c'est un peu l'occasion de présenter ça, de créer du lien social, de créer du lien social avec des gens, et de rapprocher les gens, rapprocher les gens, ouais, quelles que soient leurs origines. C'est l'esprit de Noël, ça. Ça, c'est vraiment l'esprit de Noël. Ça fait reine c'est de Noël. L'esprit de Noël. J'étais encore déguisé, Big V. Non, c'était pas mes mots. Cette... Il souriait, merde. Oh là là, ouais, on est bien achalandés ici. Il y a des hommes de l'ombre qui font un travail formidable, en tout cas, ici. La cantine est bonne. La cantine est bonne. Ouais. La cantine est bonne. Donc oui, en tout cas, voilà, sur le, au niveau de l'autosuffisance alimentaire, vous avez une démarche où voilà, on est bien évidemment dans une société où on gaspille, on jette de la nourriture de façon inconsidérée, et on peut se faire des très bonnes bouffes en allant simplement dans les poubelles. Et voilà, nos amis anglophones, ils appellent ça du friganisme. C'est un truc... effectivement, ça peine encore un peu à s'imposer en France, mais dans la scène punk, crust outre-Atlantique, c'est complètement répandu d'être freegan. Les gens se revendiquent freegan. Moi, j'ai connu pas mal, dans la scène crust au Mexique, c'est totalement d'usage de se réclamer pas vegan ou autre, c'est freegan. Tu peux nous expliquer ce que c'est, le freeganisme ? Bah, le freeganisme, c'est plus ou moins manger récupéré dans les poubelles. Ne pas être néreux. Après, il faut pas être néreux, hein. Ça, c'est certain. Il ne faut pas hésiter à remanger un sandwich qui est à moitié déjà mâché. Moi, personnellement, ça ne m'empêche pas. La pâte à tartiner ouverte dans la poubelle, la prends. Bien évidemment. Et on encourage vraiment, vivement, de tout cœur. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui travaillent dans la grande distribution... Arrêtez la surconsommation, arrêtez de travailler. Dans la grande distribution, par pitié, ce n'est pas une obligation de jeter, de gaspiller, de détruire la nourriture, les invendus. Laissez-la accessible aux gens qui en ont besoin. Laissez vos invendus accessibles derrière le magasin. Il y a des lois qui les protègent aussi. Oui. Pas parce que vous avez des trucs invendus que ça sera forcément saccagé. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Sûr. Ce n'est en aucunement une obligation de détruire la nourriture. Laissez-la au lieu de participer à ce grand gaspillage, à cette hypocrisie autour de la bouffe. Rendons la nourriture qui est destinée à la destruction, rendons-la gratuite et accessible. Et on n'est pas là pour faire un biais dessus. Social traite de merde au goulag. Yes. Pour le mois de mai, on fera on fera une émission pour le mois de mai. Des mois de mai chaud, non, pour le mois de mai, on fera une émission spéciale goulag. Au goulag, tous. Bref, le big goulag. Le big goulag. Pour le big goulag. Pour le big goulag. Je serai là, t'inquiète. Voilà. Ouais. Voilà, c'est effectivement des expérimentations au quotidien, que vous mettez en place sur la prise de décision, sur comment s'intégrer, comment faire valoir ses idées au sein d'un groupe, au sein d'un collectif, sur trouver une alternative alimentaire, sur aussi, on peut parler, comme vous parliez de spectacle aussi, là aussi on a la recherche d'alternatives, quand on parlait de concerts, de disco soupe, on est là aussi dans une recherche d'alternatives. Du rencontre du troisième pitre, par exemple. On est dans une recherche d'alternatives. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement à propos de ça, à propos de proposer des événements prix libre, votre démarche, comment vous la définiriez vis-à-vis du prix libre, des événements que vous organisez? Bah, le principe, c'est que déjà, on n'a pas forcément envie de gagner de l'argent. Ah. Non, mais... Je crois qu'on a attendu. On a envie de gagner de l'argent. Ouais. Ça a grave bugué. Recommence, Mimi. On a envie. C'est la censure. Non, mais c'est pas des événements où on veut gagner de l'argent, c'est des événements qu'on a envie de partager, et c'est encore une fois pour créer du lien et aussi présenter des choses qui sont alternatives et qui fonctionnent dans un endroit sain, quoi, dans un endroit respectueux ou... Dans un endroit respectueux. Si je parle dans le micro, il paraît que ça marche mieux. Oui, mais ça fait un bruit un peu étouffé. Oui, on peut faire... Non, mais... Alors... Le prix libre, c'est vraiment une possibilité de rendre ça accessible à tous. Et on aimerait vraiment que toutes toute personne puisse venir et se sentir à l'aise dans ce lieu. C'est, c'est l'objectif qu'on a avec les différents événements qu'on peut faire. Formidable, donc voilà. Non, mais, bravo, mais, bravo. Non, mais c'est beau, que tu parles de respect, un endroit respectueux où chacun se sent à l'aise. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? J'imagine que tu veux parler peut-être entre guillemets de discrimination, peut-être de situation. Oui, tout à fait. Je pense que on a envie d'être un lieu qui est capable d'accueillir toute personne et juste de les écouter et de les comprendre parce que c'est souvent des personnes qui peuvent être incomprises et on est tout simplement content de pouvoir écouter et partager avec ces personnes là quoi. Alors écoutez, j'ai buté toute ma famille, je peux venir chez vous? Oui. Alors viens dans le confessionnal. Et j'ai un copain néo-nazi qui a du mal à se faire des copains, est-ce qu'il peut venir? Il y a un atelier coiffure. Non, il s'abrasait les cheveux là-bas, t'inquiète. Je vous propose, parce qu'on discute, le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé, de faire un petit interlude musical. Ouais. C'est monsieur Théo à la programmation. Ouais. Tu nous avais donc proposé poser un morceau de Peggy Sue, c'est ça? Peggy Goo, pardon, je suis dyslexique, mon enfant. Peggy Goo, avec le morceau Starry Night. Ouais. Starry Night, alors c'est quoi un peu, tu peux nous parler un peu de cet artiste? Ouais, mais en fait, ils ont dit que c'était la techno, mais pas du tout, j'ai pas choisi ça en fait. Ah bah alors, c'est un peu, je crois que c'est la house, et c'est une coréenne qui a fait ça. Mm-hmm. J'ai voulu l'avoir en concert. Et finalement, elle était pas là le jour qu'il fallait. Et du coup, encore les grèves, putain. Bah, let's make, mais c'était cool. Soutien à la grève. Ouais. Et on a annoncé de la house et c'est tranquille. Sur... Ouais, ça se rapproche de la techno un petit peu quand même. Ça sera plus que du hip hop. Ouais, quand même. La house. Mais en tout cas, eh ben, écoute. Je vous conseille d'écouter. C'est ce qu'on va faire hein, d'ailleurs. Je pense que ça va se finir comme ça. En tout cas, vous restez connectés, messieurs, dames. On a encore beaucoup de questions, beaucoup de sujets, beaucoup de points à aborder. Vous restez connectés, des jeux et plein d'autres surprises, bien évidemment. Vous êtes restés connectés, vous êtes sur le 107.0, comme tout un chacun le sait. C'est la fréquence qu'il vous faut. Bâtard. C'est important de le rajouter. Oui, il faut le rajouter. Beaucoup parce que de violence. Non, mais c'est de la violence et de l'amour aussi. Ouais. On vous c'est laisse Noël. Donc avec un morceau de Peggy Goo. Ladies and gentlemen, vous êtes sur La Big Antenne. Now, us. Hey, vous êtes toujours connectés, vous êtes toujours avec nous, vous êtes toujours sur le 107.0 et c'est aujourd'hui, bien évidemment, un souci technique indépendant de notre volonté, il n'y aura pas de jingle pour vous, messieurs, dames. La big antenne. La carotte. La big carotte surtout. La big carotte, franchement, les gens sont déçus, tu vois. Les gens, là, ils sont deg, ils se disent, putain, ils zappent direct, tu vois, ils se disent, c'est quoi cette merde? Mais c'est quoi ce jingle? Pourtant, à 750€ le jingle, je comprends pas. On y met les moyens, quand même, je comprends pas que ça décolle pas, moi, l'audience. Mais désolé, j'ai des tarots assez élevés. Et il râle pour un CD, le connard. C'était la bigotaine. Alright, donc, messieurs, dames, c'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous retrouvons encore après cette interlude musicale. Nous sommes toujours avec nos amis de La Courgette. Et donc, on vient de vous laisser en musique avec un morceau Peggy Goo. Peggy Goo, donc une artiste coréenne. Ouais, coréenne, c'est bien ça, à côté du Costa Rica. donc, avec Peggy Goo sur un morceau un peu house minimal, ça donne envie de chiller, hors des stands de MDMA. Noël. Ça, c'est l'esprit de Noël. Bah oui, mon gars. C'est diminué. Non, bah, on va parler un peu d'anti-Noël, justement, tout à l'heure. Le Père Noël, il est mort cette année encore. Et on avait fait un plaisir à Bastien aussi. Et ça fait plaisir à beaucoup d'auditeurs, en tout cas, qui nous écoutent. Ça, j'en suis persuadé. Et moi, ça m'a fait plaisir aussi avec un morceau de nos amis belges, les René Binamé. Jadis René Binamé et les Roues de Secours. Aujourd'hui, plus connu sans les Roues de Secours. Il est en roue libre. Maintenant, ils sont en roue libre, nos amis Binamé. Alors, c'est quel rapport que tu as avec les René Binamé, Bastien, alors, toi? Alors, je les ai vus au KTS. Ouais. Et j'apprécie beaucoup parce que c'est de la musette anarchiste. Et c'est très intéressant, les paroles. C'est plutôt des reprises qu'ils font quand même. Mm-hmm, effectivement. Et d'ailleurs, ils vont venir à La Courgette aussi. C'est pas vrai. Ils nous l'ont dit. Alors, ça, c'est chouette. C'est cool, chouette. Ça. Ah bah après, c'est de toute façon. Ils sont à 1 million. Ah bah oui, non, mais après, c'est des gens qui sont très ouverts, hein, de toute façon. Ce qui est bien, c'est qu'ils tournent quasiment que dans des squats, en fait. Oui, ah oui, non, mais c'est ça. Nous, bah, on a eu l'occasion de les voir jouer chez Nadine au Roulier. Où est-ce qu'on les avait vus jouer aussi? On les a vus une paire de fois, mais ils sont déjà venus chez Nadine au Roulier, et à qui on fait des bisous, d'ailleurs. Mmh. Bien évidemment. Bernie aussi. Et à Bernie aussi. Oui, donc, ouais, voilà, ils ont fait les René. Ils ont joué à l'Entracte aussi à Saint-Dié, il y a peut-être quelques temps de ça. Oui, donc, eux qui sont connus pour avoir fait des reprises de classiques révolutionnaires, l'International, la Manochnivka, la Rue des Bons Enfants, et ça, ils ont fait un album aussi, on aurait pu, et c'était complètement dans la thématique, peut-être, je sais pas si tu le connais, l'album, ils ont fait un album de Noël. ils ont fait un album de Noël, les Binamé, qui s'appelle Noël, etc. Je sais pas si tu le connais, cet album-là. Pas du tout. Ah bah ouais, j'ai pas, il était pas chez moi, mais je l'ai en album. Celui-là, c'est un super album avec que des chants de Noël, bien dans l'esprit. C'est Noël chez les peu cons, que pons aussi. Hein, les que pons un peu cons aussi. C'est Noël aussi chez eux, il n'y a pas de raison. C'est Noël, trio dans le ciel. Donc les René Binamé, voilà, qui est un morceau, sur un morceau, la vie s'écoule, la vie s'enfuit. C'est, voilà, ça nous parle de Noël. Et justement, on va rebondir un peu là-dessus. Est-ce que vous avez des consignes pour Noël, pour passer un bon mauvais Noël ou un bon anti-Noël? Puisque Noël, c'est pas juste le foie gras qu'on gave, c'est pas juste les lumières, les néons blafards des magasins, c'est pas juste les promotions alléchantes et les stocks de cadeaux Amazon qui viennent par cargo entier. Des enfants qui fabriquent des jouets. C'est pas juste des enfants en Philippines qui font des ballons pour Nike. Ou c'est pas juste ça, Noël, quand même. Si. Qu'est-ce que c'est Noël pour vous? Qu'est-ce que c'est Noël? Donnez-nous un peu d'espoir, là. Ouais, c'est la MD en famille. Il commence à se sentir à la maison, Bastien. Là, tu sais qu'il y a bientôt un poste de chroniqueur qui se libère, hein, Bastien. Yeah. Il y a bientôt un poste vacant. Et incessamment sous peu. Février, ce sera la dernière. Alors, c'est quoi alors pour vous, Noël? Est-ce que, déjà peut-être, je sais pas, si vous avez des parents qui vous ont mis dans des rapports chrétiens et traditionnalistes, peut-être que Noël, ça quelque chose, ça représente quelque chose à vos yeux, peut-être, je sais pas. Vous êtes vraiment que de la graine d'anarchiste? Vraiment de la pisse. Vraiment, toi, t'es une graine d'anarchiste, donc toi, Noël, Non, est-ce qu'il y a Noël chez Drex? Est-ce que Noël, ça a un sens chez Drex? Bah, du poulet et des patates, mais... Oh, c'est raide. Il y a de la sauce, quand même, avec les patates? Non. C'est sec? Sec. Comme un coup de trique. Long, comme un jour sans pain. Bon, bah, d'ailleurs, je dois y aller, moi. Les autres, qu'est-ce que c'est? J'ai donné un peu d'espoir aux auditeurs, c'est important, là. Qu'est-ce que c'est, Noël? Putain, bordel de merde, quoi, Noël, Christmas. Perso, à la maison, nous, on sort la vaisselle, enfin, la porcelaine, parce que je viens de Limoges. Du coup, on sort toute la porcelaine des placards. Voilà, eh ben, la dorure et tout. Et Noël, tous les jours, hein, tous les jours. Que vous pouvez retrouver à Ami pour 50 centimes le set d'assiettes en porcelaine. Non. Mais voilà. Pas la même qualité. Noël, non, mais c'est vrai. C'est vrai que dans les magasins de seconde main, c'est vraiment des lieux où on peut trouver des choses chouettes. Et tous les ans, il y en a un qui en casse une. C'est possible. Généralement, c'est toi. Théo, c'est quoi pour toi Noël? Noël. Genre ce que je fais avec ma famille, par exemple. Ouais, ou même ce que ça représente, si t'es animé par l'esprit. C'est pas de l'inceste, je... avec la famille. Jérémy, on vient pas tous de Haute-Saône, Jérémy. Putain. Cliquez. J'ai pas envie de rétorquer. Non, ma gueule là-dessus. Alors Théo, pour toi, alors Noël? Pour moi, c'est pas mal de musique, en vrai. Parce que dans ma famille, on joue tous de la musique. D'accord. Beaucoup de guitare, accordéon. Plus de jazz manouche. Aïe. Ouais, ça fait depuis un moment qu'on joue ça. Avec ou sans chaussures, alors? De quoi? Avec ou sans chaussures? La roulotte. Une seule. Pardon. Donc des souvenirs quand même. Enfin, Noël, c'est quand même synonyme de joie. Ouais, là, non, moi c'est vrai, c'est vrai. Ouais, de ouf. Ah bon, quand voilà même. Quand même un peu d'espoir quand même, c'est important. C'est important. Les filles ici, Noël, c'est... Non? Putain, alors moi c'est quoi Bah... Un coup sur deux, c'est avec le père, en mode de gros repas. Voilà, gros repas, ça c'est gros important. Gros repas. Ça c'est important. Il faut bien sans manger. Oublier le plaisir. Il faut des huîtres, il faut du foie gras, du caviar. Vegan. Du surimi, du pâté en croûte. Tout ça vegan. Du surimi vegan, ça se fait, tu penses? Oh, bientôt. Tout existe. Oui, après. En carcasse de tofu. Sur une tofu. Pardon. Il y a du foie gras vegan, hein? Ouais, oui, je sais. C'est ouais, super vu, goûtu. J'ai vu ça. Le faux gras. J'ai regardé une recette cet après-midi là-dessus. Faux gras, effectivement. Et les autres, alors pour. Mensonge et damnation. Ouais. Hypocrisie. Bons escargots. Hypocrisie, lèche vitrine, surconsommation, exploitation des enfants chinois. Oh, les gens, et des sapins, sapins coupés dans les Vosges, il faut en parler. Joyeux Noël. Et joyeux Noël. Des bons escargots au beurre de Marrakech. Ouais, c'est vrai que... Yes. Et ça existe. Et oui. D'ailleurs, Big V pour vous passer la recette. C'est très certifié. Bon. Ah, c'est excellent. On vous en préparera la prochaine fois. Ouais. Le escargot de Marrakech a gagné. Exactement. Bientôt pour le 24 décembre. Non, mais... Je sais pas, moi je suis peut-être encore un peu idéaliste, mais Noël c'est le partage, c'est aller vers son prochain, c'est partager des bons moments, c'est la convivialité, c'est des retrouvailles, c'est... Oh, j'ai une lumière divine au-dessus de moi, j'ai une auréole. C'est ça aussi, c'est important. Et c'est important aussi, de penser à ceux qui n'ont rien et de... Les gens sont cons tout le reste de l'année, si à la rigueur les gens peuvent être un tout petit peu moins cons. Allez, une semaine avant Noël, ouais, c'est déjà ça, autant en profiter. D'ailleurs, Big V, j'en profite pour rebondir. Je ne sais pas si tu as vu, parce que c'est d'actualité, vu que je suis un chroniqueur très sérieux, je me suis penché sur le sujet. Il y a eu un nouveau... Quel suceur. Mais laissez-le parler. Non, trop tard. J'ai plus envie de parler. Non, mais oui, tu disais. Non, il y a eu un nouveau tag qui est apparu. C'était où, dans les rues de... Je sais pas si de Banksy, il y a eu un tag de Banksy qui a été fait, je crois, la nuit dernière, où ça représente, tu vois, un canapé avec un SDF dessus et des rênes de Noël qu'il porte, tu vois, pour un bon message de Noël pour les SDF, tu vois, tous les gens qui dorment dans la rue à cette période, tu vois. Et j'ai trouvé ça fort parce qu'à chaque fois il tape au bon moment et sans que personne le voit, sans personne forcément le connaisse. Et ça c'est d'actualité. Et je trouve que on n'en parle pas assez des gens qui dorment dans la rue et qui galèrent tout c'est le vrai, temps. C'est vrai. Oui, enfin voilà, juste d'actualité. J'ai un petit chiffre de l'INSEE. En France, il y a actuellement 2 millions de logements vides. Oui, oui. Pour combien de SDF quelqu'un pourrait dire à peu près? Je ne saurais pas, hein, c'est une question. Beaucoup trop. 150 000, je pense. Ouais, bah, oui. Ah, mais bon, ils n'ont qu'à spéculer aussi, les mecs. Ils n'ont qu'à traverser la rue. Tu sais que tu peux avoir des crédits à des taux d'intérêt. Déjà, oui. Quand on veut, on peut, merde. Je répète que la brochure, le squat de A à Z, est disponible sur Internet. Exactement. Et donc, je répète aussi qu'il y a 2 millions de logements vides en France. Dont des villes là aussi, si vous voulez faire des vacances dans le sud de la France, lourd, tout ça. Lourd, gars. Dans les Vosges, il y a des villes, hein, même dans les Vosges. Pour faire des clips. Ouais, pour faire des clips, exactement. C'est vrai que ça nous fait nous interroger. Oui, c'est des périodes à Noël qui nous font nous interroger aussi sur les exclus, sur tous ceux qui sont exclus de ce système. Et plus on grandit, plus on voit que c'est une mascarade. Déguisé. Par exemple, là, on a été joué dans les ghettos, etc. Là où on a été joué la semaine dernière, dans une MJC à Belfort, où ils proposaient pour Noël proposer un Noël solidaire qui était ouvert à tous, gratuit. Mmh. Et ça, c'est vraiment très important. Ouais, un repas qui sort du grand ordinaire et surtout un repas ouvert à tous, gratuit. Il fallait simplement s'inscrire quelques jours à l'avance et qui permet de rompre avec l'isolement des personnes. Des seniors, des personnes isolées, des personnes sans forcément beaucoup de moyens, des personnes dans la précarité, des familles dans la précarité. Et on encourage en tout point, ce genre d'initiative. Et je pense que c'est peut-être un peu ça, nous, notre message pour Noël, en cette période de Noël, à la Digantelle, c'est qu'on encourage... on encourage tout genre d'initiatives. On encouragera en tout point des initiatives comme des soupes populaires qui effectivement sont subventionnées par le gouvernement, mais qui émergent de personnes même qui ceux qui ont du mal à se faire qui se font. Et on encourage tout autant des fous de notre bombe, des actions qui sont moins déclarées et qui finalement visent avant tout la même finalité. Il faut pas non plus il faut pas se lancer dans une guerre de clochers, le but étant de venir en aide à tout un chacun et de pouvoir mettre en place des ateliers qui se veulent universels. Et ça nous amène tout naturellement à ça. On avait l'intention d'en parler, effectivement. Vous, au sein du collectif et au sein donc de la structure, en termes de relations, comment ça se passe, puisque bien évidemment on ne peut pas avoir de faire vivre une structure, un collectif comme le vôtre en restant dans l'ombre, en restant aussi, enfin on peut le faire dans l'ombre, mais confidentiel. Votre but, c'est de vraiment proposer d'être le plus universel possible, on est d'accord? On est d'accord, c'est de s'ouvrir au maximum sur l'extérieur. On est d'accord. Alors, donc vous êtes amené à avoir des rapports. Alors, par exemple, avec la municipalité, puisque donc c'est des locaux qui, on peut le dire peut-être, Bastien, on peut le dire, les locaux appartiennent donc à la commune d'Épinal. Hein, voilà, bon, bah, on le dit. On le dit, le pavé est lancé. S'il y a des adjoints ou en tout cas des représentants de la municipalité d'Épinal, on les encourage vivement, ces messieurs, dames, à s'interroger sur des cas comme ça. La courgette qui se veut d'utilité publique et universelle, c'est la vocation de ces lieux. Et comment se passent un peu les rapports aujourd'hui, vraiment très succinctement, mais avec la municipalité très aujourd'hui. Très cordiaux. Très cordiaux. Ah oui. Des échanges de lettres, des mots d'amour, des mots de tous les jours. Peut-être pour rappeler aussi les locaux que nous occupons et qui sont actuellement notre domicile. Mm-hmm. Il s'agit de 300 mètres carrés au troisième étage d'un bâtiment donc qui appartient à la base à la mairie. Mm-hmm. Et il se trouve que les locaux étaient vides depuis le début des années 80. Donc ce qui va faire bientôt 40 ans. Mmh. Donc on a jugé bon de les occuper pour en faire quelque tout chose. Fait, tout à fait. Bien sûr. Mmh. Ça, sans plus préciser. Et effectivement, au bout de 5 mois, voire 6, la mairie s'est rendue compte de notre présence. Donc on a vraiment été très discret jusque-là. Le temps de créer beaucoup de choses. Ouais. Et maintenant, on échange avec eux pour essayer de trouver un arrangement, une solution pour que tout le monde soit d'accord. Alors, oui, donc c'est quoi le son de cloche de la mairie? Alors, ils vous enjoignent cordialement à libérer les lieux Oui. À libérer sans sommation aucune les lieux. Donc, à l'issue de ça, donc, vous avez reçu plusieurs avertissements, entre guillemets, enfin, plusieurs courriers, j'imagine. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place? Est-ce que vous avez tenté de rentrer en communication avec eux, de trouver des interlocuteurs personnifiés au sein du conseil municipal, par exemple, ou Oui, je pense que on a engagé clairement une discussion avec la mairie et même le maire. Mm-hmm. Et on essaye simplement de faire comprendre notre choix, nos décisions et notre vie quotidienne. Et qu'il y ait au moins une sorte de consensus entre nous. Après, pour l'instant, on est sous discussion avec le maire et on essaie de se faire comprendre, quoi. Les bruits parasites, on a dit. Donc, voilà. Et alors, le fait, pour en revenir rapidement là-dessus, le fait là, que donc il y a l'année prochaine les prochaines élections municipales, est-ce que c'est un facteur que vous prenez en considération quand vous envisagez la pérennité des lieux? Est-ce que vous envisagez de peut-être entre guillemets frapper à la porte de futurs candidats pour s'assurer une forme de soutien ou en tout cas que ça soit à ce niveau-là ou même au niveau de l'opinion publique quelle est un peu votre position là-dessus? Au niveau de l'opinion publique, on essaye de faire des événements pour faire connaître le lieu. Donc il y a quelques semaines, il y avait un rassemblement à Épinal en centre-ville pour parler aux gens. Mais au niveau des personnes qui se présentent, c'est un peu dans la même veine que les personnes déjà au pouvoir, donc ils sont pas trop dans nos délires. Et donc on n'a pas envisagé de discuter avec les nouveaux arrivants. Après oui, on prend en compte ce moment de trouble, mais... Où ça serait peut-être intéressant de pour vous d'avoir peut-être une plus grosse visibilité et de peut-être profiter de l'appui et du soutien de l'opinion publique pour faire pression éventuelle entre guillemets ou pour s'assurer le soutien des candidats éventuels, que entre guillemets ça peut être un argument que le fait d'intégrer un lieu de vie alternatif comme ça, c'est un élément à prendre en compte la possibilité pour les municipalités d'offrir des lieux alternatifs. Excuse-moi, Amy. Oui, tu t'allais dire. Moi, je pense que, enfin, comment dire, on va dire que je parle à mon nom parce que je suis pas sûre de pouvoir parler au nom de tout le monde, mais en tout cas, j'ai pas dans l'image de conquérir une politique ou ces personnes-là qui sont concernées par ce milieu. J'ai juste envie de faire comprendre aux gens qui nous entourent et qui sont dans des situations pas forcément faciles ou même qui sont dans une incompréhension que y a d'autres choses et qu'on peut faire des choses intéressantes aussi ensemble. Après, la politique, c'est un niveau qui est un peu compliqué et un peu stratège auquel je suis pas forcément prête à m'affronter et contrer ce genre de truc, tu vois, ce genre de stratégie un peu Donc toi ton discours c'est que la courgette n'a pas lieu à se mêler à la classe politique la courgette doit vivre de façon totalement la courgette veut détachée. Juste la courgette anarchiste. Le lieu et les gens, on veut juste se faire comprendre et montrer que notre position, elle est juste et en fait légitime. Du coup, que ça soit de la politique ou pas, c'est surtout de l'humain et... Enfin, je sais pas. Que ça gêne personne. Moi, donc... je pense qu'on a envie de gêner personne dans l'histoire et qu'on a envie d'être dans des positions qui conviennent à tous et qu'on se comprenne et qu'on arrive à quelque chose qui convienne à tout le monde. on se dit pas qu'on est tout seul et qu'on doit faire notre chemin tout seul. On a bien conscience qu'il y a des gens qui nous entourent et qu'il faut faire avec aussi, quoi. Et justement, tu parlais de... Tu disais donc que la courgette, finalement, s'adresse plus à des gens qui sont... plus dans ton cas, dans ta situation, entre guillemets, est-ce que ça s'adresse, et là c'est une question que je vous pose à tous, est-ce que vous diriez que la courgette, non pas elle s'adresse, mais en tout cas elle va peut-être plus cibler telle ou telle catégorie socio-professionnelle, tel profil type d'individu, homme comme femme, est-ce qu'elle va plus s'adresser à un profil type, entre guillemets. Des gens très riches. C'est quand que Eric Zemmour prend la parole? Bonjour, je suis Eric Zemmour. On va pas se mentir non plus. Au début, on se ressemblait quand même beaucoup. Je veux dire qu'en école d'ingénieur, il n'y a pas vraiment de mixité sociale. C'est pas très cosmopolite, disons. Mais ouais, enfin, on est. Je pense qu'on est beaucoup à être à la recherche de diversité, d'apprendre d'autres cultures. On est plutôt ouvert, je trouve. Ouais, j'ai vu qu'il n'y avait pas de Chinois dans votre groupe. C'est vrai. Allez, voilà. Nous recherchons d'ailleurs un Chinois pour augmenter notre quota. J'ai croisé une Chinoise il n'y a pas longtemps. Globalement, c'est vrai, on est tous blancs. Voilà, on y vient. Non, mais clairement, la suprématie. C'est quand même des gens qui sont dans notre entourage proche. Et donc... au sein de notre école, c'est vrai que tu dois avoir une personne de racisée sur 400, quoi. Sur 400 blancs. Et au sein d'Épinal, c'est vrai qu'on n'a pas trop de potes dans les quartiers, genre les UP ou je sais pas. Enfin, tu sais, genre. Dans le quartier de la Courgette, si un peu, mais. On a quand même des liens, moi pas personnellement, mais il y a quand même des liens avec des gens du quartier. Racisé, c'est un peu... j'aime pas trop ce terme, entre guillemets. Ah bon? Ouais, je sais pas, racisé, c'est... C'est pas racisé, c'est que la personne n'a pas choisi qu'on la pointe du fait que t'es une race ou pas, tu vois. Mais c'est les personnes qui subissent cette discrimination. Ouais, après, moi je prends ça quand même, ça pointe quand même un petit peu, enfin je sais pas... C'est des termes que j'emploie pas, mais après, je comprends. J'aime pas non plus dire des personnes de couleur noire, s'ils sont pas la peau noire, et puis en plus, c'est pas le cas parce que tu peux avoir des origines asiatiques et être racisé aussi. Si, pour moi, tu peux dire un noir, il y avait pas de soucis. Tu vois, même eux, ils le disent, un blanc, un noir, un black, un nigger. Mais en fait, c'est plus large, quoi. Le mot en N. Mais sinon, voilà. Mais tu peux dire un noir, il n'y a pas de souci. Ouais. Moi, je propose qu'on fasse une petite interlude avant de. Un freestyle de Damso. Avant de diverger, je vous propose. C'est moi qui fais la musique, donc je vous en papaoute à la rigueur. Je vous propose, avant de reprendre les antennes, et c'est Noël, donc on aura des largesses ce soir. Abdallah. On aura des largesses, non, un peu plus agressifs et haineux, mais ça résume un peu l'idée. Oui. Deux morceaux de MC, qu'on apprécie, qu'on affectionne. C'est dans les styles. Impressionné aussi. Des MC. Moi, je vais vous mettre un morceau de notre ami Ironsai. Yes. Ironsai qui avait signé sur le label de BOSS, hein, si je dis pas de conneries, chez Cushion, qui est revenu sur un gros album avec des grosses influences trap énormissimes. Enfin, moi, j'ai toujours surkiffé ce mec. Et là, avec un morceau qui s'appelle Je rends pas le chrome. Et une petite surprise de Noël sortie tout droit de notre hôte magique. Un morceau de nos amis de ma grosse chaussette, un morceau de nos amis La Fine Gâchette, de nos amis Miags et de nos amis André X. Sacré vieille hotte, hein. Moi je l'assume plus ce morceau. T'assumes plus ce morceau, c'est tant pis pour toi. On va quand même le balancer puisque c'est dans la thématique qui s'appelle Fuck Noël. Tant pis, t'assumes Drex. Hein. En tout cas, on vous balance ça dans les oreilles. Ironsai, je rends pas le chrome, suivi par vos humbles serviteurs. Ou en tout cas, un de vos humbles serviteurs. À la prod d'ailleurs, et aussi aux voix. C'est parti, vous êtes toujours sur le 107.0. On vous balance le son qu'il vous faut. On vous balance les infos qu'il vous faut. Vous restez connectés. On s'occupe du reste. C'est la Big antenne. Here we go again. J'éclate ton rap comme Botlin. Tous le diable, ton album flop. Moi j'aime les chats, personne je stop. Mec du 9-4, donc personne me stop. J'me rappelle l'époque, quand j'avais la dalle. La peau sur les os, les poches qui chialent. J'suis instable, j'suis imbrudé. J'dors d'un oeil car j'veux plus rêver. Réalité, à tout prix. Leur spécialité c'est s'accroupir. J'écoute leur scud pour m'assoupir. Les négros kick comme Britney Spears. Ils sont pas armés comme la municipale. T'as dit 09 dans ton bacane. Moteur V12, mais tu cales. T'es la victime, j'suis la bécane. J'fais du sale pour du propre. J'fais marcher mon libre arbitre. Les mains sales, les mains propres. Ça dépend si la dalle m'a grippe. Soit tu pousses, soit tu fanes. Soit tu frappes, soit tu chiales. 2000, faut choisir. Soit tu tapes, soit tu tannes. Soit t'es blindé, soit tu trimes. Soit tu planes, soit tu clean. Soit t'es un lâche, soit t'es digne. Soit t'es faux, soit t'es d'origine. Soit t'es chaud, soit t'es froid. Wesh, tu tires ou tu tires pas. Wesh, tu vends ou tu vends pas. T'es pour Marseille ou pour Ypres. Amadou Koukou Malik. Voici le choix de mes repas. J'ai attrapé le chromis. C'est soit je le rends, soit je le rends pas. Moi je rentre caché la main verte devant ta femme, braguette ouverte. Négro, j'ai choisi la chaîne parce que tu gaspilles une punchneck. J'ai attrapé le chromis. C'est soit je le rends, soit je le rends pas. J'ai attrapé le chromis. C'est soit je le rends, soit je le rends pas. J'ai attrapé le chromis. C'est soit je le rends, soit je le rends pas. Soit je le rends, soit je le rends pas. Soit je le rends, soit je le rends pas. 2017, faut choisir extrême gauche ou extrême droite. Besançon ou Marine Maltaine, c'est comme choisir le shit ou le crack. Tu sais ce qu'on dit dans le 9-4. Soit t'es manchot, soit tu braques. Soit tu t'en sors, soit on t'entraîne. Chez nous, le shit à nous traque. Tes idoles sont inutiles. Des voleurs comme Will Hunting. J'consomme pas de William Peel. Fuck les rappeurs en brushing. Dans la chair, j'suis le cerf. J'suis les chefs, j'suis sincère. J'écris muscle dans réinsert. Pour ceux là-bas qu'on prie du ferme. M'écoute pas si t'avales du sperme. M'écoute pas si tu parles aux flics. M'écoute pas, Stéphane Bern. Oublie mon scud, il est trop deep. Amadou Boumali. Ta femme sait, j'ai le bout magique. J'connais les fonds, je les ai vus naître. J'connais les doses car j'connais leur schneck. Et tous les gosses comme certains prêts. Chez nous tout fuit comme Christophe Lemaitre. À contre-sens, j'suis pas comme eux. Triple OG depuis ma naissance. Moi j'danse pas car l'état m'offense. J'rappe ici car sur la défense. Amadou Boumali. Voici le choix de mes repas. J'ai attrapé le chromis, c'est soit je le rends, soit je le rends pas. Moi je rentre caché la main verte devant ta femme, braguette ouverte. Négro, j'ai choisi la chaîne parce que tu gaspilles une punchneck. J'ai attrapé le chromis, c'est soit je le rends, soit je le rends pas. J'ai attrapé le chromis, c'est soit je le rends, soit je le rends pas. J'ai attrapé le chromis, c'est soit je le rends, soit je le rends pas. Soit je le rends, soit je le rends pas. Soit je le rends, soit je le rends pas. Nique Noël, j'en ai rien à faire. À part t'engraisser, te casser les couilles, ça sert à rien. Wow, j'suis formel, fuck Noël, c'est pas mes affaires. Prétexte fête familial, mais c'est juste de l'argent. Premièrement, nique le Père Noël, il m'a jamais apporté ce que je voulais. Je voulais pas de télé, pas de play, pas de Lego, pas de Zay, pas d'Hot Wheels, pas d'Action Man, rien. Je voulais juste un peu qu'on m'aime plus, et c'est même pas une question d'affection. Je veux qu'on me comprenne plus, et ça depuis que je suis un nourrisson. Un alien depuis l'avant la vie, jamais je suis essoufflé. Je pisse dans ton lait tes cookies, j'espère que tu vas t'étouffer. Hein, putain de fête commerciale, on s'en bat les noix, les gens s'en branlent de la magie de Noël. Ils kiffent juste le foie gras, fils de pute et sa voix grave. Oh oh oh, pourquoi tu te marres? Si t'étais vraiment passé par la cheminée, tu serais tout noir. Arrête de te foutre de notre gueule. On est des gosses mais pas des cons, sale bâtard. Tous ces gamins pleins d'espoir qui tueraient pour une PS3. Petit, si ta mère mourait, t'en aurais rien à foutre de ça. Et si vraiment des gosses m'entendent, le Père Noël, j'y crois, mais c'est un jour de fête. Nous on te fera pas de cadeau. Ramène-nous Zemmour sa tête, ça sera la cerise sur le gâteau. Je m'en bats le ravi qu'ils restent à leur place. Ils partent d'économie alors que la ville est visible depuis l'espace. Viens pas me causer. de tous ces connards enfoirés. Je ne fais pas partie de ces gens qui bouffent du homard en soirée. Rien de tel qu'une tablée, entourée de mes proches. La richesse n'est pas que d'être blindé et de rouler en Porsche. Je n'attends pas de présent de la part de qui que ce soit. C'est moi qui offre avec le crew, on est présent, on kick ce soir. Des points de vie, j'en ai du père écrasé dans mon cendrier. Un tas de jours j'ai du père qui sont égarés dans mon calendrier. Une année de plus qui s'écoule, le temps passe. Arrête de me dire que taper une pute c'est cool, je m'en lasse. On est des animaux, bienvenue dans l'arche de Noël. Écoute comment on manie les mots, t'as bien vu qu'on arrache dans l'oreille. Vive l'Afghan, vive l'Afghan, longue vie au dealer. Vive l'Afghan, vive l'Afghan, longue vie au dealer. Hey, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, ramène donc des bédos par milliers, des boulettes dans mes chaussettes. Bouteille dans le sac à jouer, Père Noël est une ordure. Surtout depuis que je sais que sa femme s'appelle ZZ. Chez moi y'a pas de sapin. Noël c'est de la douille, fonce au magasin, consommer et mange ta douille. Comment veux-tu rentrer chez moi? Pas de cheminée, les radiateurs qui rouillent. Barbe blanche m'a toujours foutu les boules. Depuis tout petit je flippe quand je vois sa gueule à la télé. Pas de cadeau, pas de bûche dans le traîneau. Que de la drogue dure, ça c'est sûr, c'est pas un héros. La big antenne. Ouh yeah. Ouh yeah. You got it. You got it. Vous êtes toujours avec nous. Vous êtes toujours sur le 107.0. La fréquence Radio Gamozo. La fréquence qu'il vous... Faux. Exactly. Oh, vous étiez donc vous êtes toujours sur nos ondes, messieurs dames. On vous a laissé avec un morceau bien haineux qui sent bien la cave de notre ami Ironside. Ironside, donc qu'on affectionne particulièrement. Peut-être un jour aura-t-on l'insigne honneur de le voir sur des planches par chez nous. Peut-être qu'on pourra l'inviter. Peut-être qu'un jour on l'aura même à une émission. Un featuring. Pourquoi pas, éventuellement, éventuellement. Et c'était après un cadeau qui nous a été offert gracieusement par notre ami Drex et ses joyeux lurons. Dont on aurait pu se passer d'ailleurs. Oh non, écoute, faut assumer ce que t'as fait Drex, c'était sympathique. Un morceau Fuck Noël avec nos amis La Fine Gâchette. C'était bien toi. Ah oui, c'était lui. Oui. La Fine Courgette. La Fine Courgette, John La Fine Courgette. Mais je l'ai dit, il a dit non. La Fine Courgette et maître Miax, notre maître sapin à tous. Et on vous embrasse très fort d'ailleurs les deux qui travaillent effectivement pour assurer les minima sociaux de leurs congénères. Merci bien, merci chaleureusement à vous qui travaillez pour nous autres. Ouais, on a la précarité qu'on mérite. En tout cas, voilà, je pense que il y a on un jingle là bientôt. Oh là, t'es clairvoyant, mon cher Jérémy. T'es clairvoyant, c'est incroyable. Non, ouais. Non, franchement, au bout d'un moment, les gars. Faudrait être déconné. Il faudrait... Ouais, exactement. Disons que... Parlons sérieusement. Alors, la big antenne, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien de parler politique, c'est bien de parler d'alternatives, tout ça, mais on n'est pas là non plus que pour se prendre la tête. Alors, on vous propose maintenant, messieurs, dames... Ah, le jeu. L'heure que tout un chacun attendait. Maintenant, voici venu l'heure. Et maintenant, l'heure du portrait chinois. C'est horriblement... C'est cheap, c'est un peu cheap. Ouais, ben franchement, on a les jingles qu'on mérite. Non, alors, mais le chinois, ça compte pas. Si vous étiez une souche Shang, est-ce que vous seriez très... Si vous étiez... Le j'ai le droit, mon petit frère est chinois. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Pardon, excuse-moi, Drex, excuse-moi. Excuse-moi. Non, mais c'est pas... Ben nous, tu sais, on fait très attention sur tout ce qui est discrimination et tout. Dès qu'on en profite, dès qu'on peut être victime... On sort le bouclier. Moi, par exemple, tout ce qui est grossophobie, je monte au créneau, par exemple. Jérémy, c'est sur l'alcoolisme. Enfin, on a tous des chevaux de bataille. Ah l'enfoiré, comment il lâche des trucs. Tu me tricores, connard. Donc, le portrait chinois, c'est simple, c'est enfantin, dirais-je même. Si vous étiez je serais et pourquoi? Alors, attention, on commence. Drex, si t'étais un Drex, tu serais quoi? Drex. Ouais, super. Vous avez compris le principe. À l'exemple. Ouais, j'ai compris. Alors, on va commencer. Allez, on va commencer parce que c'est Noël, c'est tout ça. Si vous étiez un personnage de dessin animé. Allez, c'est gentil. Allez, on commence à ma gauche. Personnage de dessin animé et pourquoi? En 3 heures. Quoi? Ouais, bah, rapidement, succinctement. Kirikou, mais la première pensée qui me vient, c'est parce qu'il est petit, mais ça n'a aucun sens. Parce qu'il est tout nu. Parce qu'il est petit. Ah, parce qu'il est tout nu. Chacun, ouais, là, chacun voit midi à sa porte. Kirikou. Ensuite. La nana de Scooby-Doo qui a un pull orange. Dora. Vera. Ouais, et un col roulé. Parce que j'ai un pull orange et un col roulé. Voilà. Yes, Vera, donc en plus elle est super comme personnage, effectivement. Effectivement. Bastien. Moi je suis désolé, mais quand j'étais petit dans ma cave, j'avais pas la télévision, alors je sais pas ce que c'est. Et ce sera la bonne réponse du jour. Excellent. Le petit dans la cave. Il se met aux couleurs locales, Bastien, c'est bien. Allez, vas-y, Drake, t'as le droit de jouer. Oh, c'est quoi déjà la question? T'es sûr, ça? Ouais, la réponse est toute trouvée, ça serait notre ami Servietsky, la serviette qu'on affectionne particulièrement dans South Park. Vous, ça serait quoi? Oh putain, Ricky Spanish. bien vu de ouf. Sensuellement. Spanish. Waouh, comment c'est pointu. Alors comme là, réponse. C'est lourd, mon gars. C'est très pointu, c'est, là, c'est dans faut, Rick et Morty. Ouais, non, connard, c'est American Dad. Ah ouais, non. Ricky Spanish. C'est qui, c'est le papa? Non, mais c'est non, en fait c'est Roger. Forcément qui c'est l'écrasé. Il s'embrouille avec lui-même dans un épisode. Je sais pas si c'est détail, il s'embrouille avec lui-même. Comment tu dis qu'il s'appelle déjà? Ricky Spanish. Très pointu. Théo, ça serait quoi? Théo, ton dessin animé. La tortue dans Nemo. Ah, franchement, elle vit des trucs de ouf. Elle est mignonne. Et voilà. Elle est sarcasade. Super foncée. Elle est mignonne. Attention, si vous étiez, ladies and gentlemen, si vous étiez, on va dire. Une guirlande de Noël. Une guirlande de Noël. Un peintre. En LED, 9 watts pour 200 mètres. Allez, on va parler. Panneau solaire. On va parler d'évasion parce que le temps est morose et un peu frais dehors. Si vous étiez un pays. Ou un lieu dit, une région, un département, une ville. Mais un toi, quartier. Si t'es un pays, t'es quoi? Moi, ouais, j'avoue, et ton portrait chinois là-bas? La Russie, parce qu'il est imposant et lourd. Oh. Non, je serais le Mexique, parce que je suis excessif et dangereux. T'es coquet. Il y a mes parents qui écoutent, t'es dingue, toi. C'est pas vrai, maman, c'est pas vrai. Non, je sais pas. Moi. Bon, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je suis Jennifer Lopez. Non, je serai Randy, le père de Stan. Ah dans ouais, lourd. Évidemment. Alors, on reprend sur la carte. Théo, tu serais quoi? Un pays. Un pays. Ou un lieu dit. J'ai pas d'idée. La goinfrerie. Le Vatican. Pour être pape. C'est une principauté, je crois. Un pays, j'ai pas de pays en tête. L'Allemagne. Berlin. La Pologne. Berlin de ouf. Berlin ouais, pour la scène alternative, pour la techno. Ouais. Ouais, j'avais cru saisir, effectivement. Berlin, ouais, pas mal. Dans l'esprit de Noël, il neige en Pologne, donc j'aime bien la Pologne. Ou la Sibérie, à la limite. La Sibérie, j'aime bien la Sibérie. Pourquoi pas. Ça se tient. Drex. Chine. Je sais pas, le Laos. Une connerie comme ça, un pays d'Amérique du Sud, quoi. Ouais, près de l'Italie, quoi. Ouais, voilà, ouais. De toute façon, tu sais, en dessous de Lons-le-Saunier. Bastien. Moi, si j'étais un pays, je pense que je m'autodétruirais. Oh putain, mais il a que des réponses pertinentes, ouais, Bastien. Tu vas l'avoir, ta place de chroniqueur à temps plein. En CDI, hein, mon gars. Yes. Enfin, ça y est, je peux quitter enfin ce squat de merde. Je pourrais enfin emprunter et m'acheter une maison. Ah, ça y est, je vais avoir du chauffage et une habitation saine et décente. La stabilité. c'est avant tout ça un message d'espoir, la Big Antenne. Juliette, un pays ou un lieu dit? Moi, je dirais le pays des Tziganes. C'est quoi le pays des Tsiganis? Mais non, mais ils ont pas de pays. Enfin, ils viennent d'Inde, mais je sais pas, c'est mouvant. Ouais, c'est un pays nomade. Un pays nomade et sans chaussures alors. Oui, pourquoi pas. Ah oui, d'accord. Non, non, non, mais après, oh, c'est beau, ça fait rêver, ça fait rêver. Damien, il a une phobie des pieds. Les gens sans chaussures, ça lui fait très peur. Vraiment très peur. Non, vous avez tous fait l'effort de mettre des chaussures ce soir, on apprécie particulièrement d'ailleurs. On apprécie le geste fourni. Non, on l'embrasse particulièrement, notre ami Bastien, on le charrie, mais qui bene amat castigé bene. Mimi. Mimi. Un pays. Bah, la France, ma patrie, avant tout. Oh. On va la voir, notre dossier de subvention, ça, je te garantis, moi. Marcus, c'est bon, on peut signer, t'inquiète. Et ton pays, Damien ? Ouais, j'ai dit le Mexique. Ah oui, le Mexique, mais pourquoi le Mexique ? Parce que c'est excessif, c'est dangereux. C'est excessif. Bah, c'est le pays avec le plus fort taux d'obésité, peut-être le plus grand nombre de morts brutales par an, le plus d'inégalités sociales, le plus d'enlèvements. C'est des chiffres de l'ONU, ça. Non, bah, pour y avoir vécu là-bas, non, c'est pas que ça. C'est en tout cas, moi, ce que j'ai vécu là-bas, c'était un peu ghetto. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est ghetto, quoi. C'est ghetto. À côté, Saint-Denis, c'est un Center Park. Hein. Ouais, c'est un peu le fond du crou, quoi. Ah, c'est la cave, tu vois. C'est la cave, ouais. En fait, tu vois. C'est bah, normal, tu vois. On s'est tous rencontrés en prison, hein, donc nous, voilà. Hein. All right, alors, puisque on discute, et puis bah, voilà, ça donne faim et ça donne soif. Et pour ça, il faut bien évidemment assaisonner. Pour l'assaisonnement, messieurs, dames, je vous propose, pour l'assaisonnement... Une vinaigrette. Non, plutôt... Une merotte, on dit. Un autre jeu. Oh, ah ouais, ça marche bien. Devinez. L'interview, sel ou poivre? Plutôt sel. Ah, je vous la remets si jamais vous aviez pas compris la première fois. Vas-y, on recommence. On l'entend pas. Plutôt poivre. Ah voilà, remets encore une plutôt fois poivre. Parce que... Plutôt sel ou plutôt poivre. Donc, le principe est simple, enfantin dirait-on même, une fois encore, c'est l'interview sel ou poivre, bah, plutôt ou plutôt un truc facile. Drex, plutôt Drex ou plutôt Drex? Miax. Ouais, 3 points marqués sur la gauche, touche de loin. Alors, attention, plutôt fromage ou... Ah bah non, vous avez... non c'est pas pertinent. Il y a du fromage vegan, il y a du fromage vegan. Même, enfin, si vous êtes beaucoup vegan. On avait dit plutôt falafel ou plutôt houmous. Question existentielle. C'est trop dur. Ça, c'est chaud. Hein. Et il y a une seule bonne réponse. Houmous. Houmous, on a un point houmous ici. Moi, j'ai une bonne réponse, moi. Falafel. Falafel, tu peux mettre dans le kebab. Ouais, ça se tient. Un kebab vegan? Ouais, il y en a un. Houmous, tu peux en manger. Il y a pas un kebab, t'as des falafels. J'ai jamais goûté. Tu demandes un kebab falafel, il t'en a. Le houmous, tu peux le mettre dans un camelback. Ouais, le houmous, ça peut se prendre en randonnée. Les autres, alors, il va falloir se positionner, les gars. Carrément. Moi, je dirais houmous parce que je boycotte Israël. Palestine, on le dit. Il mange du houmous aussi là, ça fait... Bastien, il nous fait monter le ghettomètre à 800%. Là, il va y avoir des premiers jets de pierre dehors. Là, à mon avis, ça finit en rednecking. C'est la fin de Radio Gameozo. Après 40 ans de bon et loyaux service. Merci, Bastien. Non, mais bien sûr, comme dit notre ami Bazou, ils parlent tous de Palestine parce qu'ils ont trop peur de parler d'Israël. On vous laisse réfléchir là-dessus. Ah, c'est pas nous, c'est Big Buzz. Hein. C'est Big Buzz. Ben ouais. Et donc, voilà, bah, c'est quand même une école qu'il faut choisir, effectivement. Ouais, non, on va pas forcément faire... Non, je te voyais venir avec tes gros sabots, Bastien, sur le prochain sel ou poivre, plutôt Palestine et Israël, écoute. Ouais, j'ai pensé aussi. Même si je suis bénévole ici, mais je tiens à ma place quand même. Donc, c'est des sujets qu'on va éluder. On a tous la bonne idée. Sérieusement. C'est grinçant. Non, bah vas-y, allez, moi j'assume. Allez, on pose la question. Amy, plutôt Palestine ou Israël? Non, tu vois, non, c'est comme quoi, c'est pas. Non, on va le non. dire. Non, mais je me suis permis de le faire. Je me suis permis de la faire parce que mon cousin est juif, donc je peux parler dessus. Donc, juif et sionisme, c'est deux choses différentes. Mais on va pas parler de ça. Mon meilleur ami est noir. Je peux comprendre. Non. Là, justement, on caricature, messieurs dames. Voilà. Et bien évidemment, on ne peut pas résumer, bien évidemment, une problématique aussi complexe que le conflit israélo-palestinien. En tout cas, ce n'est pas le but de la bigantaine ce soir. Ils le rendent complexe. Bah, de toute façon, en plus, on peut pas le mois prochain. Si à la rigueur, on peut essayer de faire ça pour l'émission du mois de mars. Essayer de régler le conflit israélo-palestinien. Mais pas comme ce soir, en tout cas. Là, non, vraiment, on a d'autres impératifs. Ok, bah, on prend rendez-vous. Alors. Bah, venez, et puis voilà, on peut régler le conflit là. Et puis s'il y a d'autres conflits armés dans le monde à réguler pour le mois prochain, enfin, pour les prochaines émissions. On s'en charge. N'hésitez pas, on les invite et puis on voit comment ça se passe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non. Allez. Est-ce que t'as d'autres, vous avez d'autres selles ou poires à suggérer, mon cher Drex? Alors tiens, non, désolé. Ça c'est une question épineuse. Allez. Épineuse, mais qu'il est important de soulever. Plutôt weed ou CBD? Ah. Ouais. Plutôt de la ganja naturelle ou du CBD? THC ou CBD, quoi. Ouais, mais il y a du CBD dans la weed. Mmh. Ouais, ça dépend. Ouais, il y a CBD sans THC, du coup. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi du... Oui, voilà, c'est du CBD sans THC aussi. Et du THC pur, tu deviens fou. Oui, bah je dis pas non plus de mettre en huile directement notre musculaire. En fait, la question, c'est soit tu fumes une weed qui te défonce pas, soit tu fumes une weed qui te défonce. Ouais, voilà. Ah oui, c'est ça. C'est comme le conflit israélo-palestinien, c'est un peu réducteur. Là aussi, y avoir un bon ratio qui fait que t'as tout pile l'équilibre. Oui, tout à fait. Avec la 8-6 aussi, il faut s'aligner. Tout à fait. La 8-6, c'est un recul. Bon, bienvenue sur Schlag Radio. Plutôt Berlambourg ou plutôt Dexbeer? La question de l'année. La question de l'année. Lidl ou Aldi? La question de l'année. On ce qui serait pas l'heure des freestyles, Damien? Bah, on dirait du Plaska. Et Mianda. Ah ouais, quoi. Bien de... Oui, effectivement, mon cher Drex, effectivement, le temps passe là. Et on peut éventuellement envisager d'offrir à nos chers auditeurs et auditrices, toujours plus nombreuses et nombreuses, un petit freestyle de Noël, Drex. Tu as peut-être quelque chose à suggérer. Une petite freestyle. Moi, balance le petit son de Denzel Curry. On se prépare ça en attendant, alors Drex, ça serait un peu ça serait ton idée. Bah écoutez, en tout cas, on va se passer ça tranquillement. Et un petit freestyle de Noël, on revient juste après, mais on est là, de toute façon, on a encore le temps, on est payé à l'heure, c'est Noël, donc c'est Noël. Un petit freestyle pour vous, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Gamozo. On chope ça tranquillement, on reste connecté. C'est 107.0, c'est la fréquence qu'il vous faut. Ouais. Nigga, don't really don't fuck up, man. Let me catch my breath. I'm finna hold my breath. Yo, Pop, this is a really great beat. Good job. Get in and go, stack up my dough. Bitch, eat my dick like a meatball hero. Black on my body like Neo. I been had the sauce on the new type of T.O. The fuck is a T.O.? Terrell Owens, fucking bitches, barely knowing them. Sometimes I feel suicidal. Shout out to my nigga Scrum. Ain't no shitty running up like Giddy. Better not fuck with me. Sell Tron 6 Billy. Got the rock like Millie. Get sent like Billy. Better not talk shit when I got goons with me. I got the power, right. But I'm not a ranger. Yeah. Got to beat my power, right. And we just made a bang. Get it and go. I'll stop your ass to the ground if you think you can fuck with my flow. Open the door. I do not walk through that motherfucker if they not talking no dough. I don't smoke dro. I barely drink. Pour up that coffee for niggas that sleep. Used to sell quarter of ounces of stink. I make a quarter a show if you blink. You couldn't see what I saw, now you peep. Now they on D. I had the flea flicker. You should have seen quicker. I'ma just eat the hum. Make him see he the son. I'ma tell you I'm the dad. Niggas from Trinidad. Come with that chopper that don't need no helipad. Hit your ass, pop, pop. And now you irrelevant. Pop up the trunk and I don't mean an elephant. I'm talking stacks. You talking bricks. All of the rhymes you rap ain't legit. I catch a case, I plead a fifth. You catch a case, you bring the click. I'm not the type to lose sleep for a bitch. I might just fuck for a week, then I quit. I might just cop me a rollie that don't lose the value and trade in the shit for a crib. Get it and go, yo bitch is a hoe. She sent me a flick when I flick on my phone. Get it and go, yo bitch is a hoe. She sent me a flick when I flick on my phone. Hit it and go, I pass it to bro. He shoot a shot and I bet he gon' score. Hit it and go, I pass it to bro. Bitch, I don't got no respect for opposition. Cats getting them shot with dirty feeling. Blood on my blood, you get the picture. Blaze, carry blaze, attending it, so get shot. Y'all thinking my gin getting boot on stage. Write books like me, ain't on my page. Tracks find our apes, these our ways. Bitch, you won't act tough, gonna get in your face. I pull up with a red light, nigga, what's up? Nigga tryna peel off like, oh shit. Fuck. When the buckshot's red, better duck, I have luck. All my doors got fed when the moon comes up. With a pit bull off, it's less at the war door. Boss, real circuit, never break, they form. Stay melee when the clip go off. What's up? Get it and go, yo bitch is is a hoe. She send me a flip when I flick on my phone. Get it and go. Yo, bitch is a hoe. She send me a flip when I flick on my phone. Hit it and go. I pass it to bro. He shoot a shot and I bet he gon' score. Hit it and go. I pass it to bro. He shoot a shot and I bet he gon' I just jump back like I'm out one. Look at your deal, but you owe some. I just stick out, I just get it done. Smoking gelato, got plenty suns. You like Joanna, man. I like designer fam. Touch on my chest, rap the zombies, man. All in that bitch like a sonogram. I be that nigga, the Hall of Fame. Look at yourself, we are not the same. High as a bitch, like I'm on a plane. Fucking that bitch like they all the same. And nothing with juice. I'm drunk off the boost, put the thaw on the shoes. I just won't lose. Niggas is full, swag. Rockin' the blue fur. I like that bitch right there. Think I'm gon' like her. Get it and go. Yo, bitch is a hoe. She sent me a flip when I flick on my phone. Get it and go. Yo, bitch is a hoe. She sent me a flip when I flick on my phone. Hit it and go. I pass it to bro. He shoot a shot and I bet he gon' score. Hit it and go. I pass it to bro. He shoot a shot and I bet he gon' Get it and go. Yo, bitch is a hoe. She sent me a flip when I flick on my phone. Get it and go. Yo, bitch is a hoe. She sent me a flip when I flick on my phone. Hit it and go. I pass it to bro. He shoot a shot and I bet he gon' score. Hit it and go. I pass it to bro. He shoot a shot and I bet he gon' Drex, calme-toi, Drex. C'était beaucoup trop lourd. Est-ce que ça veut dire que je suis énervé et que t'es énervé? Est-ce que qui est énervé? Énervé? Merde, je pense qu'on est énervé. Vas-y. Rebac, rebac. Remets la follow back, monte le son sur le mixeur. Chaud, chaud, chaud. Le début. Ok, pull up quoi. Pull up. Exactement. C'est ce, bon. c'est ce qu'on dit dans le milieu du... C'est assez jargonneux, ces expressions, mon cher Drex. C'est pas le moment, alors, frère. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais de toutes ces... C'est chaud, Drex, là. Ah, gros. Chaud. Non, mais non, je peux pas, gros, c'est j'entends R. Sorry, ladies and gentlemen. C'est bien dégueulasse. Ah bah c'est les aléas du direct, hein, c'est sans filet, bien évidemment. C'est Noël. Chaud de rester calme, sauf des fois quand je suis béni. Sinon je suis dans le déni. Je m'oublie et je tisse très vite. 21, déjà c'est mille vies. Béni, pas d'orga, ça sature de ouf. C'est dégueulasse, putain je peux rien faire là-dessus gros. Mec c'est horrible. Je serais limite chaud à abandonner là gros. Ça sature, c'est inaudible. Y'a un petit souci technique indépendant de notre volonté. On fait pas toujours ce qu'on veut en direct, malheureusement, messieurs, dames. On fait pas toujours ce qu'on veut. Hélas, trois fois hélas. Drex, je te propose, pleure pas, Drex, calme-toi, pleure pas. Je te propose peut-être une autre prod, peut-être un freestyle. Après, c'était pas l'heure ni le moment de parler de haine à ces messieurs, dames. Alors, je te propose quelque chose de plus léger, mon petit Drex. Ok, on réessaye. On va essayer. Allez, pleure pas, Drex, d'accord? Fais-le pour moi, s'il te plaît. Pour toi? Tu as check ça, bâtard. Tu m'avais dit de pas pleurer. Ben oui, je sais, Drex. Ne pleure pas, ne pleure pas. J'arrive comme un nuage couvrant le truc, repartant tranquillement. Rien ne passe dans les mailles de mon mental, jamais je me sens vivant. J'aurai jamais de vévo. Occupe-toi de ta vulve, ça pulse ta... Ce mec, truc, non, mais non, le pulse, ce truc. Impossible gros, j'entends pas la parole. Ven a bala conmigo, mi morena de barrio. Vas a saber porque yo quiero vivir sin miedo. Yo no soy como usted, puedes hablar por nada. Me falta de palabra, donde es la hora. Es tiempo de empezar un castel de arena. De tu rotunda, me perdo mucho tiempo a olvidar quién no soy, a gritar con todo el sol. Ahora es momento de hacer una explosión. Eras en el paseo, creo que puedes cambiar. Quiera que eso se pasan, que la vida es así. Un dolor de corazón. Voy a ponerla aquí. Non. J'ai beaucoup trop d'hématomes et je squatte le meuble à la pharmacie. Un shooter mercurochrome, je m'entends pas de mes soucis. Un furon clair évincé, un abcès que je perfore. Dans mes moules me performer et mastique les chloroformes. Ma plume n'est pas raffinée, mes certifiés non conformes. Aujourd'hui je vous le confirme, on veut du fond et de la forme. Hey. Hey. Ok. Hey. Un. Bah nique sa mère, écoute, hein. Nique bien sa mère. Mais gros, bien sûr que non, que ça passe pas, y'a pas de prod déjà. Et de deux, j'ai pas de texte, mec. Pleure pas si tout part en testicule. Gesticule, pleure pas, c'est la nuit des funambules ridicules. Hélas, ladies and gentlemen. Un souci technique indépendant de notre volonté et des oreilles qui s'habituent au son c'est de qualité. Il faut savoir régler le son avant de faire des freestyles, en fait. Notre ami Drex, qui est de plus en plus exigeant, ça c'est le problème quand on commence à avoir un peu la grosse tête, hein, ça c'est le show business, c'est le strass et les paillettes, bien évidemment. En tout cas, messieurs, dames, comme on vous le disait, ben, le temps passe malheureusement très vite sur notre antenne. Et hélas, trois fois hélas, il nous faudra bientôt rendre les ondes un peu meilleures, peut-être un peu moins mauvaises ce soir. En tout cas, c'est le message qu'on vous laisse dans les oreilles. On vous souhaite à tous et à toutes de belles fêtes de Noël. Avant, on est des fils et des filles de bonne famille, n'est-ce pas ? Peut-être un petit tour de dédicace, si vous avez des bonjours, des dédicaces, des bisous à envoyer. Allez, c'est parti, avant Noël. Dédicace, doucement pour le bruit, dédicace. Allez, on commence. Mickaël, il a des dédicaces à passer. Ouais. Pour ma nièce, Nina, de la fille de mon cousin. Oh, c'est et beau du coup, ça. Je suis parrain de cette petite fille. Oh, c'est voilà. Beau ça, Mickaël. Oh, dis donc, c'est. Oh, Mickaël, il a un cœur, je savais pas. Ouais, c'est beau. Je savais pas, je savais pas. Next, Mimi, elle a des dédicaces à passer. Super. Alors, du coup, dédicace aux dédicaces, hein. Dédicace de dédicace. Bah ouais. Mais sinon, voilà quoi. Dédicace à tout le monde en fait. Ok, bah non, bah écoute. Il n'y a pas de problème, Juliette, il y a des personnes que tu veux dédicacer ? Oui, à ma mamie. Oh, c'est bien. À mes parents, ma soeur, mon chat. Oh, bah voilà, écoute. Et à tous les amis. Oh, c'est beau, c'est un beau message de paix et d'espoir. Fabien. Je sais pas, mais... Fabien, pardon, Bastien, excuse-moi, navré. Qui ça ? Oui, bonjour Fabien. Bah, dédicace à tous les Fabiens. Voilà déjà, tout simplement. Ils sont trop souvent appelés Bastien. Et inversement. Avec les C, Bastien. À tous nos frères enfermés. Voilà, feu aux prisons, tout ça. Justice pour Clément Méric. Et à Vincent Cochet aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Excellent. Ouais. Formidable. Drex, une dédicace à passer ? Big up à Monsieur Leveau. fatigant. Leveau ? Bah, je vous remercie, Monsieur Bigvin, de me poser la question. Et bien sûr, j'ai dédicace au Breton que j'ai bientôt rejoindre, au petit Grégory que j'ai bientôt quitté, et à tous les parents qui veulent être tranquilles pour Noël. Et après, je dédicace aussi Monsieur Drex parce que je l'aime très fort, et Monsieur Bigvi qui allait me manquer terriblement. Oh, c'est trop mignon. C'est bizarre quand je dis ça parce que je vois le paquet de mouchoirs Caresse juste devant moi. Et je pense que c'est un signe, mais après voilà. C'est la première fois que tu y penses sans y penser pour ouais, autre chose. Quoi. Et penser au recyclage, au sac jaune, c'est important. Excellent. Et big up à la courgette. Excellent. Théo, des petites dédicaces. Dédicace à Radio Game Over. Oh bah c'est beau. Ouais. C'est beau. Vous, ouais. Non, pas de parents, de frères, de soeurs. Non, ça fout un peu. Moi je dédicace papa, maman qui nous écoutent, je dédicace les deux frangins qui nous écoutent. Ah, il y a peut-être Moulet aussi qui nous écoute encore. Dédicace à Moulet, dédicace à Teddy qui nous écoute. Dédicace au poteau qui nous écoute sur Chamonix, dédicace à Jean, dédicace à Masras de l'Aude aussi. À la belle-mère qui écoute en Bretagne. Dédicace à ta belle-mère, dédicace à tout le monde, dédicace tout simplement à tous ceux qui continuent à faire vivre et à soutenir les alternatives locales, les lieux de vie alternatifs. Les films de Noël. Cobaladé. Les gars, vous savez pas dire de la merde sans déconner. Il y a bientôt un feat avec Medine, Cobaladé et Medine, ça va être lourd. En tout cas, voilà, messieurs, dames, c'était avec une joie non dissimulée qu'on vous a présenté cette émission de Noël. On espère donc que vous reviendrez, vous nous retrouverez dès le mois de janvier avec notre ami Dou Fireman pour une interview exclusive, rien que pour vous, messieurs, dames. En attendant, restez connectés. Nous n'oubliez pas, Noël, c'est pas juste claquer du pognon et manger gaver des oies. Noël, c'est aussi ouvrir la main et le cœur à son prochain. Et c'est le propos qui nous intéresse. On se retrouve en tout cas samedi soir si vous voulez nous joindre sur La Courgette. Vous pouvez réécouter l'émission sur internet à La Courgette samedi soir. Réécouter l'émission sur La Courgette. L'émission sur www.radiogamozo.eu. Nous, on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission plein de bonne humeur, de gros sons, d'irrévérence. Et c'est formidable. Il y a intérêt. Avec plaisir, bien sûr. Et voilà. En tout cas, ladies and gentlemen, on va vous rendre les antennes après vous avoir souillé les oreilles. Merci à tous et à toutes. On reste connecté à Radio Gamozo. Et stay the same. Bisous. C'était la big antenne. La big antenne.